Voilà. Ouais. Eh bien, du coup, bienvenue Par sur contre, bienvenue. soit le stream, soit la rediffusion de la session 4, Ghosted. N'oublie pas la musique et je te laisse, du coup, maître du lieu. N'oublie pas de démuter. Hein? Personne ne mute. Y'a ton PNJ juste au-dessus là, faut pas enlever le casque. Mais non, non, il va bien. Ok, d'accord. C'est Maxime qui a le. Ce sont pas les Bon. droïdes que vous cherchez. Alors, le temps que Nelson Bessborough revienne, je vais vite fait, pour la rediff du coup, faire un petit résumé de ce qui s'est passé la dernière fois. Très rapide, hein. Donc, vous avez récupéré, enfin, vous avez eu cette enquête sur le fameux Henry Stanley qui était évaporé, consumé chez lui. Et suite à cette enquête, vous avez récupéré une maquette et une miniature de train. Et d'après votre enquête, vous avez décidé justement de faire tourner le train, de faire fonctionner le train, tout ça chez Nelson. Et à la stupeur générale, même si certains sentaient le truc venir, il s'est passé quelque chose qui vous a, comment dirais-je, assez perturbé, puisqu'un train a simplement débarqué en plein milieu de la pièce où vous étiez et vous a emmené dans une dimension assez sombre, assez lugubre. Et pour le coup, vous étiez resté assez stoïque devant ce train mi-métal, comment dire ça, organique. Organique, c'est ça. Le tout dans une dimension assez, comment dire, pas forcément noire, mais avec des lumières assez, un peu comme si vous étiez dans l'espace en fait, quelque part, avec des constellations, des machins, des flagelles qui volent parmi vous. Le train s'est arrêté devant vous. Vous avez vu des gens sortir de ce train. Des gens qui avaient l'air pas forcément morts, mais pas forcément vivants non plus. Un teint très blême, limite très desséché. Les yeux blancs, vitreux un peu. Et qui était habillé des années 90. Ils vous ont invité à les rejoindre dans ce train. Sauf qu'au début, vous n'étiez pas prêt forcément à faire. Mais petit à petit, ils ont commencé à vous entourer, à vous oppresser un petit peu, sans forcément vous attaquer, hein. Et une personne est venue vous intimer de rentrer dans le train, une personne qui, elle, était pour vous totalement normale. Donc vous vous êtes empressé de rentrer à l'intérieur. Sauf que au moment où vous êtes rentré, là, les gens, ces espèces d'êtres, ont totalement changé et sont devenus agressifs et limite à vous courir après pour essayer de vous attraper. Donc vous êtes assez paniqué. Vous avez couru du mieux que vous pouvez pour rejoindre cette personne qui vous demandait prestement de le rejoindre dans un autre wagon. Il vous a ouvert la porte. Vous êtes engouffré à l'intérieur aussi vite que possible. Lui, juste après, a pu fermer, bloquer la porte. Juste pour vous rappeler trois trucs, quand vous avez passé la porte, brièvement, vous avez pu voir sur les murs du wagon et sur la porte des petits symboles assez mystiques, et notamment une ankh, enfin, vous savez, des espèces de clés, les clés égyptiennes, là, de vie, mais est-ce que vous voyez un peu ce que c'est là? Ouais, c'est comme une croix, ouais. Voilà, ouais, comme une croix, mais avec un rond, voilà. Ouais, ouais. Retourné, qui était écrit, dessiné dessus. Et quelque part, peut-être que c'est ça qui empêchait justement ces êtres de passer la porte. Vous les voyez s'arrêter, vous. Et limite, ils sont comme ça, en mode. Donc. Ça vous a. Tout cet engrenage, tout cet afflux-là vous a quand même énormément coûté en santé mentale. Ça a puisé quelque part chez vous beaucoup d'énergie, beaucoup de... Enfin, voilà, enfin, faut imaginer, hein, quelque chose comme ça qui arrive, vous n'êtes pas net dans les premiers temps. Et là, vous voyez cet homme, totalement zen, qui vous invite un petit peu à dire ah, mais c'est cool, vous êtes venu me rencontrer, vous êtes venu me voir, ça fait longtemps que j'avais pas eu de visite. Enfin, pas si longtemps que ça, mais. Et il se nomme Randolph Alexis. Je pense que vous avez déjà entendu parler de Randolph Alexis. Et vous avez vite fait le lien avec cet homme qui faisait partie de différents ordres mystiques qui avait disparu dans le déraillement d'un train en partant de Liverpool. Pour Liverpool, et il est là devant vous. Vous discutez un petit peu avec lui. Vous voyez que c'est quelqu'un d'assez hautain qui vous l'avez un peu incriminé, si je me rappelle bien, dans le sens que vous le tenez un peu responsable de tout ce qui se passe, qui vous arrive aussi. Et lui. En fait, il vous fait comprendre que si vous voulez sortir, faudra compter sur lui. Je vais vite fait vous montrer ce fameux Randolph Alexis, puisque il me semble que la dernière fois, je ne l'avais pas fait. Alors. Voici la photo, d'ailleurs, je vais vous montrer la photo de Henry Stanley, celui que sur lequel vous aviez enquêté. Ah. Et hop, le fameux. Alors, vous avez aussi ces personnes qui vous ont. Un peu alpagué, si je puis dire. Voilà. Et le Randolph Alexis dans toute sa splendeur. Ok. Voilà. Cet homme qui vous croise un petit peu. Même si c'est un... En soi, vous voyez que c'est un petit homme, un homme de petite taille, mais qui a l'air d'avoir un ego assez haut, hein, assez élevé. Hein. Limite un peu désagréable, mais bon. Vous discutez un peu de tout ça avec lui, et... Toi, je veux dire, Gassard, mais Emilio. Au détour d'un regard comme ça, tu vois dans le wagon où vous êtes, où il y a en fait plusieurs compartiments, des os rongés. Ça a été très bref. Hein. Tu es le seul pour l'instant à avoir remarqué ça. Et pendant ce temps-là, Randolph, oui, écoutez, excusez-moi, mais là, si vous voulez qu'on s'en sorte, je comprends que vous soyez énervé sur la situation, mais la situation est ce qu'elle est. Nous devons nous en sortir maintenant, et ce n'est pas en m'accablant de tous les maux que nous en sortirons. Donc sachez que maintenant, j'ai quelque chose pour nous sortir de là. Il va falloir m'aider. Donc, est-ce que on pourrait se mettre un petit peu tous à l'écart pour faire une mêlée, pour parler qu'entre nous et les laisser à l'écart? Est-ce que c'est possible? Tout à fait, hein. Vous pouvez. Hein. Après, lui, vous lui dites simplement que vous avez bien discuté. Il opposera pas. De toute façon, vous avez le temps. Hein. Maintenant, voilà. J'ai envie de te dire, nos jours sont comptés là, apparemment. Oui, mais bon, genre, c'est pas là 10 secondes de votre temps qui va changer la donne. Il nous attaque et il nous mange. Allez. Ouais, enfin là, vous êtes 4, il est tout seul. On a des flingues en plus. On est armé, ouais. Oui. On se fait un petit scroom, une petite mêlée, pour le mettre à l'écart et peut-être discuter entre nous, parce que moi, je le dis tout de suite. Pas confiance. Ce mec n'est pas net. Bien sûr. Il a l'air aussi fou que des mecs dans les asiles. Mais oui, de toute façon, on s'isole dans une des petites cabines là qui compose le wagon. Et je pense qu'il n'y a pas de problème à s'enfermer dans l'une d'entre elles. Parce que ce wagon a l'air safe, hein, de toute façon. Donc, Bah, du moins, qu'il en est maintenant, il a l'air safe. Même ouais. Si vous avez en permanence un agglomérat de personnes. Oui. Mais ils sont partout, je veux dire, de toute façon, qu'on aille là ou ailleurs, ils sont là. Blafarde et sans vie. Donc oui, moi je suis pour, hein, je propose d'aller dans une de ces... Mm-hmm. Je sais pas comment on appelle ça, mais voilà, un petit quartier, quoi. Une cabine, ouais, c'est une cabine. Une cabine, ouais, ouais. Vous allez dans laquelle? La première, la deuxième? Parce qu'il y en a 5, on va dire. Est-ce que, je sais pas, est-ce que ça change vraiment quelque chose, hein, genre... Parce que là, on discutait dans le couloir. La quatrième. Ici, en fait, à l'entrée du wagon. Ah oui, d'accord, en fait, donc on était dans le couloir. Il y a l'entrée là, et en fait, après, vous avez les cabines. Ah oui, d'accord, il y a un petit espace. Bah, du voilà. Coup, on va. Pas dans la première, ce qu'il peut entendre. Pas à la quatrième, parce que c'est maudit en Chine. Va pour la troisième, je suis d'accord. À troisième. Je pense. Ok, non, attends. Vous vous dirigez vers la troisième cabine. Et au fur et à mesure que vous dirigez vers cette cabine, en fait. A vu Emilio et en fait était dans la troisième cabine. Merde. Donc là maintenant, tous vous notez maintenant qu'au sol vous avez des morceaux littéralement de d'os rongés. Maintenant vous savez que vous êtes devant. Que ce sont des restes humains. Est-ce qu'il faut faire un jet de San ou est-ce qu'on peut réagir peut-être tout de suite? Là, tout de suite, là pour l'instant, je vais vous épargner la San tout de suite là. C'est gentil. Du coup, en c'est vrai, une accumulation de. Ouais. Là, vous êtes vraiment dans un état second où limite tout ce qui arrive là tout de suite, c'est juste des os humains au milieu d'une nouvelle dimension hein, dans laquelle il y a un train à moitié organique. Enfin, finalement. Bon, ouais, on va à la deuxième. Donc pas la quatrième, c'est ça? Non, c'est maudit. Jamais la quatrième. Ouais. Mais après, vous allez me faire, juste avant de changer de cabine, vous allez me faire un trouver objet caché, s'il vous plaît. Au milieu. Aïe aïe aïe aïe aïe. Pouf. Oula, on va s'affoir. Ouf. Ah. Excusez-moi. Oui. Oui. Je suis là pour sauver le coup. J'ai eu très donc, très peur. Il y a que toi, Emilio. T'en sors. On dirait bien. Non, tu es très marqué sur tout ce qui est ossements. Parce que c'est toi qui les avais vus la première fois. Donc. Je dois dire que tu quand même. Tu devrais te reconvertir dans l'archéologie, je pense. Eh bien, tu remarques que parmi les ossements, il y a des vêtements lacérés. Et que tu vois en fait une petite chaînette, et au bout de cette chaînette, une petite montre, une montre à gousset. Et que tu te baisses pour la ramasser, par si tu veux pas. Tu vois gravé en fait sur le dos de cette montre les initiales A A A A, genre Albert Alexis. C'est possible. Ok, très bien. J'en fais part à mes amis, mes compères. D'accord, c'est pas vraiment la nouvelle auquel on s'attendait tout de suite. Mais c'est bien, ça donne du encore plus de raison de le détester. De choses à dire quand on va s'isoler, hein, parce que c'est très intéressant tout ça. Peut-être prendre la 4 cette fois, celle d'à côté. Non, c'est toujours, on est toujours dans la même là. C'est, on n'a pas encore bougé. Alors qu'est-ce que vous faites quoi alors? On bouge, on va à celle d'à côté. Moi je vois l'état de ce moment là, c'est bon. Oui, non, mais de toute façon, oui, on va à celle d'à côté, on va dans la numéro 2. Je vais camper là. Ah, vous allez dans la numéro 2? Oui, c'est qu'avant. Ok. On n'a pas bougé. Non, pas et donc, dans la numéro 2. Ouais. Là, il n'y a personne. Il n'y a rien de spécial. Allez-y, faites ce que vous avez à faire. J'ai pas noté, il y a eu quelque chose, excusez-moi. Non, dans la numéro 2, il n'y a absolument rien. Ok, d'accord. J'ai trouvé une bagousse. Mais on a trouvé des vêtements en lambeaux avec AA, tu vois, genre en initial 1. Dans la troisième. Dans la troisième, bien sûr. Tu nous montres ce que tu as découvert, Gassa, enfin... Il nous l'a dit, et oui, là on est parti discuter dans la deuxième, parce que c'est toujours très intéressant d'avoir ce genre d'informations. J'expose une théorie, si je peux me permettre. J'écoute. Expose. Alors, AA, ou c'était quoi? Albert. Non, c'était... Albert Alexis serait décédé, ou peut-être quelqu'un possédait sa montre, peu importe. Dans tous les cas, je suis d'accord sur un seul et une seule chose. C'est qu'il y a certainement quelqu'un ou quelque chose qui attaque les êtres vivants. Et je ne sais pas pourquoi il en reste un qui n'a pas l'air d'avoir toute sa tête. Surtout qu'il n'y a pas l'air d'avoir de ration ici. Est-ce qu'on avait déjà reporté que Albert Alexis a été tué par combustion spontanée? C'est une excellente question. Albert Alexis, on sait qu'il n'avait pas demandé la miniature. Et s'il était avec son père, finalement, c'est logique en fait qu'il n'a pas pris ça de sa succession. Mais je crois pas avoir eu. Attention, Albert Alexis n'était pas dans le train. Oui, bah pour l'instant il y est là. Oui, mais dans dire au moment où ça s'est passé, oui. Il n'y avait que Randolph Alexis dans ce. D'accord. Voilà, donc Albert Alexis est arrivé d'une manière ou d'une autre dans ce train. Oui, bah comme nous. Si c'est lui. Mais je ne crois pas que ça s'est su pour Albert Alexis. Enfin, en tout cas, nous, on n'a pas trouvé de traces de ça. Après, c'est peut-être nous qui n'avons pas trouvé. J'ai pas de coupure journal parlant d'Albert Alexis en ouais. Cramé. Parmi les gens, les cas connus, c'est pas ce qu'on a pour le moment. Mais du coup, en vrai, déjà, il a dit qu'il avait eu de la visite récemment. Il a dit pas si longtemps que ça. Ce qui met forcément en confiance. Hein. On est tous d'accord là-dessus. Après, faut faire attention parce que là, on parle de. Peut-être s'il y a un cannibale, peut-être s'il a reçu de la visite il y a quelque temps. On est dans une autre dimension, donc on ne sait pas si, par exemple, la sensation de satiété présente. On ne sait pas s'il y a vraiment un décompte des jours, des heures, des années. C'est... dans cette. Bah, cette, si, on sait qu'il a pas. Enfin, qu'il ne savait pas que nous y étions en 1920. Nous l'avons fait remarquer, il pensait être là depuis quelques mois seulement. Voilà, donc il n'y a pas de jour ou de nuit ici, on perd, si on reste ici, on perdra le fil du temps et on ne sait pas si le temps va s'accélérer ou bien s'il va ralentir. Enfin, s'il va s'accélérer parce que on tire. Vous allez me faire tous un jet d'idées, enfin intelligence. Un jet d'idées, vous avez une idée? Ah, ça peut être utile ça. Intelligence, mais c'est dans les mains ça. Je sais. Int. Ah non, moi je sais pas du tout. Je sais. Bien sûr, c'était si alors, simple depuis le début. Dégage. Alors je regarde qui c'est qui a fait là. Peter. Moi, j'ai fait j'ai fait le pire. Hein. Je suis l'idiot. C'est majeur pour Emilio. Eh hey, mais Emilio, t'es en forme toi aujourd'hui. Ah mais aujourd'hui il faut que je le donne. Hein. Ok. Alors, Emilio, Catherine, ainsi que toi, Peter, le fait de discuter de tout ça, vous regardez tous les trois et d'un coup, tac, il y a quelque chose qui vous vient à l'esprit. Quand il vous a dit que il a reçu de la visite il y a pas longtemps, il dit mais pourquoi on est là au fait? Qu'est-ce qui a fait qu'on est venu ici? J'appuie sur le bouton. Et vous êtes dit, mais oui, on est venu pour Henry Stanley. Donc oui. S'il a eu la même chose que nous, il devrait être là aussi, lui aussi. Mais oui. Voilà une remarque pertinente. Et donc vous regardez et tac, ça vient. Et le premier à en parler, eh ben, c'est Emilio. Emilio, en ce moment, ça cogite à fond là, il a jamais été aussi Yo-take. Attentif. Peut-être que c'est son côté survie qui s'est mis en route, mais tout fonctionne à plein régime chez Emilio. Et c'est le premier à en parler, en disant mais. Et vas-y Emilio. Mais... De base, la première disparition, enfin la disparition sur laquelle on était, c'était sur. Stanley, et il devrait être ici avec ce détraqué. Une deuxième question. J'aurai une deuxième question après. Et s'il y a des ossements là de ce malheureux Alexis, l'autre détraqué là qu'il aurait peut-être mangé, on sait pas si. Il y a trop de choses là, il y a trop de choses qu'on ne comprend pas. Bien sûr, c'est là tout le problème. Et il nous propose d'avoir une solution pour sortir, mais s'il a vraiment eu notre ami Henry ici, pourquoi est-ce qu'il lui a proposé? Est-ce qu'il a échoué? Est-ce qu'il se fout de nous, tout simplement, hein? C'est aussi une possibilité, hein, que finalement tout ça... que lui est très bien ici et s'amuse des gens qui finissent ici par hasard. Hein. Faut retrouver des traces dehors des ossements, des traces d'Henri Stanley de ce passage, peut-être. De fringues, des documents, je sais pas. Même sa présence, il est ligoté quelque part. Donc on est tous d'accord que pour le moment, on collabore avec Rodolphe Alexis. Et on fait à peu près ce qu'il nous dit de faire pour garder la face. Ça, on n'a pas le choix. Je pense que non. Là, j'ai l'impression qu'on est coincé dans sa tête. Ouais. C'est peut-être ça. Vous avez terminé? Vous ressortez du pouvoir, oui. Thibaut? On est tous d'accord, oui. Ouais, j'ai pas grand-chose à rajouter. Donc, vous allez me faire. En sortant tous du compartiment, un jet d'écouter. Ils sont en train de se parler tout seuls. Ils savent pas que je vais les tuer. Voici donc mon plan machiavélique. écoutez. Oh putain, j'ai que 35. Oh, j'ai peur. Ah non ! Vas-y, ça se fait trop pas. Ah bah 99, ah bah c'est cool. Maladresse, tiens. Maladresse et l'échec. Maladresse et l'échec critique. Alors, attends, c'est ça. Ouais, c'est un échec critique. Alors, attendez, donc Catherine, elle a fait un échec. Emilio, il a fait un échec. Et vous avez tous fait un échec. Oui, on a tous raté. Mais Emilio, peut dépenser des points de chance. Ouais, alors moi. Mais parce que déjà, t'en as que 6 à dépenser, mec. Hein. C'est rien. Moi, j'en ai 49 si je veux réussir, tu vois la différence. Ah, ouais. Bah six. Oui. Oui, je comprends. Après, t'es pas obligé, hein. Pas du tout. Si, ils sont là. Dépense des points. Allez, bon, mais allez. Bien sûr. J'en dépense 6. Moi, j'ai dépensé des points en comptant. Hein, je crois. Non, mais moi, j'ai déjà dépensé en plus des points. Hein. Je suis à 53, j'étais à 75 de base. Hein. Mais, hé, t'inquiète pas, tu vas rater des jets et on va regagner de la chance au fur et à mesure des sessions. Enfin, moi, ça peut encore en marcher. En tout cas, mais... peu importe ce qui se passe, au moment où vous écoutez, Nelson, tu as l'impression d'entendre, mais là c'est que toi, hein, bien sûr, hein, bien d'accord. Il va ramasser Randolph, limite marmot, enfin murmuré dans sa barbe. Randolph. Randolph Alexis. Ah pardon. Je vais... Vous entendez? Je vais les avoir. Je vais les avoir. Bon, ben, voilà, c'est ce que tu entends. Je vous regarde, vous autres, savoir si vous avez entendu. Vous avez entendu? J'ai dépensé les points, en fait. Comment ça? Quoi? J'ai entendu le Randolph dire des choses un peu honteuses, tout en rigolant. Mais non. Je n'ai rien entendu. Je regarde un peu tout le monde, mais ce serait pas étonnant. Pour l'instant, de toute façon, nous ne sommes pas confiants. Je tamponne un peu le front tueur. On garde la face, on garde la face. Moi j'ai rien entendu en dépensant les points de chance. Bah je laissais finir le. Ah d'accord, ok. Côté. Voilà. On va se rendre de toute manière pour parler avec Rodolphe Alexandre. Donc... De ton côté, en fait, Emilio, tu entends, mais alors, cette fois-ci, provenant du quatrième compartiment. Je veux sortir. Je veux partir d'ici. Quelqu'un, s'il vous plaît. voilà. D'accord, ça y est. J'invite Peter, mon ami, vous pouvez m'accompagner aux latrines, je vous prie. Suivez-moi. Est-ce que tu me fais des clins d'œil, hein, parce que là, c'est ça qu'on propose. Ouais, mais je te fais des clins d'œil. Non, je te fais un regard appuyé en mode grave, tu vois. Je tapote sur l'épaule de Nelson en disant de rester avec Catherine et... Bon. Bah, je te suis. Je prends... Je mets ma main dans mon manteau, l'arme au poing caché. Et j'ouvre la quatrième porte. Moi, j'ai juste des points. Au moment où tu ouvres, je vous mets pas, je vais pas couper en deux, ça sert à rien, vous êtes à côté. Hein. Mais au moment où tu ouvres cette porte, tu vois dans le fond du compartiment, limite entre deux banquettes, enfin la banquette un peu du truc, un homme. Qui ressemble fortement à Henry Stanley, qui est en boule, adossé au mur en fait, enfin la fenêtre un peu du compartiment, et qui comme ça, il vous a pas, en fait, il est tellement dans son truc qu'il vous a pas forcément remarqué, il est un peu en mode syndrome de l'hôpital, tu sais. Tu restes derrière moi, je vais m'approcher et au cas où il se passe quelque chose, tu interviens. Monsieur Stanley, Qui êtes-vous ? Calmez-vous. Vous êtes venu me sauver ? Vous êtes venu me sortir d'ici ? Oui, oui, oui. Il est encore là, le fou, Randolph Alexis, il est encore là ? Oui, il a... Qu'est-ce qui se passe ? Calmez-vous. Il est fou, il l'a mangé. Il l'a mangé. Son propre fils. Calmez-vous. Ne vous en faites pas, il s'en prendra pas à vous tant que vous êtes avec nous. Faut s'en débarrasser, il faut sortir d'ici. Est-ce que vous savez comment partir d'ici? Je suis arrivé comme ça, je sais même pas comment je suis arrivé là. Vous êtes arrivé parce que vous avez actionné ce train, je pense. Et nous aussi. Je ne sais pas ce qui se passe, mais on va essayer de trouver une solution. Il faut trouver une solution, moi je veux pas mourir ici. Il faut partir, il faut se débarrasser de ce fou. Calmez-vous. Encore une fois, j'ai l'impression que lui seul a le clé de l'énigme. Oui, mais regardez, il a la clé, mais il a mangé son propre fils, regardez ça. Et regardez ce qu'il a fait encore dans le compartiment d'après, il y en a partout, c'est horrible. Oh. Mais bon, je vous fais confiance, vous êtes que tous les deux? Vous êtes que deux? Non, non. On est deux, et on a deux autres compères. Ah, d'accord. Je bouge pas. Oui. Il m'a dit des choses insensées. J'ai rien compris à ce qu'il m'a raconté. À partir de portails dimensionnels, de plans pour sortir de là avec un train. Il m'a dit plein de choses, mais j'y comprends rien. Et j'ai vu ça. C'est son fils qui l'a mangé. Ses os. Ah. Il est armé ou pas? Randolph? Henri? Henri, non. Non, pas Henri, Randolph. Non, il est... Non, mais je lui pose la question à lui, vu qu'on n'a pas... Ah, d'accord. Tout ça. Il a pas d'armes. Est-ce que vous êtes en sécurité ici? Vous posez la question à moi si je suis en sécurité ici? Dans ce compartiment. Oui, c'est peut-être le seul endroit où... Je me sens à peu près bien parce que les autres. Il se remet un peu en mode. Comment il a tué son fils? Je sais pas, il était déjà mort. Je suis arrivé. Il était déjà mort. Je sais pas. Restez caché. On reviendra vous voir. D'accord. Je sors avec Emilio. Et je te murmure quand même. Il n'a pas l'air non plus plus sain d'esprit que l'autre, là, lui. Il a l'air plus traumatisé par l'autre, quand même. On revient avec les autres. Revenez. On chuchote un tout petit peu de ce qu'on a vu. Il y a Henry Stanley qui se trouve dans le compartiment 4. Il est en panique. Il ne faut pas l'approcher, je pense qu'il est dans un traumatisme. Mais oui, Randolph Alexis a bien tué son fils. Il l'a boulotté. Boulotté son fils? Oui, il est dangereux. Mais on en est sûr. On va rester prudent. Et vous a aussi mentionné, pardon, je voulais, mais qu'il y avait quelque chose encore plus dégueulasse. Oui. Dans le dernier compartiment. Le 5. S'il a vu ce que nous avons vu, ce n'est pas une preuve supplémentaire. Non, le compartiment 5, c'est... Non, je parle de par rapport à son fils. Ah. Il a dû arriver avant que monsieur finisse de son repas, on va dire. Ouais, il l'a vu mort, mais il l'a pas vu... Après, il l'a vu... en soi, il a vu presque la même chose que vous. Sauf que... on va dire qu'il est probable qu'il ait vu finir ce qu'il était en train de faire. Oui, il est probable, pour l'instant, on n'a rien de sûr. Voilà. Pour l'instant, on est dans la probabilité, c'est pas non plus... Oui, voilà. Bon. Allons voir cet homme cannibaliste et complètement fou. Comme si de rien n'était. Dès qu'on sait comment sortir, on sort. On verra. Et du coup, vous arrivez devant lui. Et il arbore un grand sourire. Ah, voilà, enfin, alors, ça y est, cette discussion vous a été fructueuse, vous avez pu mettre vos idées en place. Je comprends bien que ça doit être traumatisant pour vous, ça a dû être un grand choc de vous retrouver dans cette dimension. J'avoue que moi-même, alors que j'en suis quelque part le responsable, j'ai été quelque peu un peu choqué de ce qui s'est passé par la suite. Mais bon, je peux comprendre que pour vous, c'est un choc terrible et qu'il vous fallait un petit peu en discuter entre vous. Mais maintenant, nous avons énormément de choses à faire pour nous en sortir. Donc j'espère que vous serez avec moi et que nous travaillerons de concert pour retourner dans notre monde. Ah, avant toute chose, excusez-moi, oui. Ça fait plusieurs mois que vous êtes ici. Si vous avez les clés pour pouvoir sortir, pourquoi vous n'êtes pas sorti tout simplement ? Tout simplement, j'avais besoin de plus de personnes pour pouvoir y arriver. Il est vrai que ce rituel nécessite une grande force spirituelle, un pouvoir spirituel très fort. Et hélas, tout seul, je n'en avais pas forcément assez. Et du coup, si maintenant que nous sommes plusieurs, je pense que nous sommes en capacité de pouvoir s'en sortir. De plus, il y a quelque chose que j'ai commencé à faire et j'avais besoin d'aide pour le terminer. Et tout ceci est dans le dernier compartiment. C'est pas grand chose, mais si vous voulez, on peut en discuter ensemble là-bas. Je vous dirai exactement la procédure à suivre. Ce n'est pas bien, bien difficile. Qu'est-ce qu'il y a dans le dernier compartiment exactement? Bien, c'est le plan que j'ai mis au point pour nous faire repartir. Comme vous le savez, pour venir dans cette dimension, vous avez activé circuit miniature avec un train. Ce même circuit et ce train avaient été faits par mon fils, qui lui me recherchait en fait. Albert Alexis. Il vous a retrouvé. Et il me cherchait effectivement. Il a créé ce. Ceci avec. Il avait des connaissances un peu moins que les miennes, mais suffisantes. Il faisait aussi partie de l'ordre et il a su créer cet artefact pour pouvoir me rejoindre dans ce monde. Et, il arrive à vous rejoindre. Il a réussi. Il est vrai. Il est avec vous là. Il est où? Je lui mets un coup de coude là. Là c'est plus possible là, Lilio. Si vous voulez, il était là. D'accord. C'est une maquette de train, c'est ça? En soi, pour pouvoir repartir, il faut reproduire le train et son parcours et le refaire ici même pour inverser le exact avec des incantations dont je suis le seul à connaître. Faisons ça tout de suite alors. Vous avez pris ça de la part des du crépuscule d'argent ou de l'aube dorée? Donc c'est un peu des deux. J'ai combiné des savoirs que j'ai accumulés dans ces deux ordres et qui m'ont permis de mettre à jour ce rituel d'interdimensionnel. Moi, à l'époque, je l'ai fait à grandeur nature sur un vrai train. Je ne m'attendais pas à final, je m'attendais plus à quelque chose de moins brutal. Et il faut croire que mon fils a dû tomber sur mes travaux que j'ai dû laisser à la maison et a reproduit la même chose sur quelque chose de plus petit. Et qu'en est-il de la locomotive? Y a-t-il un conducteur à ce train? Oh, ça fait belle lurette qu'il n'est plus là. D'ailleurs, il doit être peut-être derrière la porte en ce moment même à vous attendre. si vous désiriez les rejoindre. Non, sans façon. Même... Voilà. Donc, bien ça. Parce que là, pour le moment, le train, il est sur place, on est d'accord. Ouais, il avance. En fait, ce que vous dénotez en regardant à l'extérieur, c'est que le train, en fait, il avance, mais il avance pas genre comme ça. Il avance par saccade, par saut. En fait, par moment assez régulier, en fait, vous voyez le train faire un bond. D'un... Pour vous, ça. C'est il n'y a pas forcément de ressenti. Vous n'êtes pas à chaque fois en train de faire ça à chaque fois qu'il avance. Et le paysage, d'ailleurs, tout autour qu'on peut voir depuis les fenêtres. Mm-hmm. C'est un truc terne, noir. Mais en fait, c'est assez terne. Il y a, mais en fait, vous voyez que derrière le train, en fait, il y a comme des filaments bleus qui vous suivent en permanence. C'est comme si, vous voyez, comme les traînées des avions dans le ciel, traînées blanches. Et bien là, vous avez la même chose, mais c'est des filaments bleus qui vous suivent. Et en fait, ils disparaissent jamais. Donc vous voyez à l'infini le trajet qu'a fait le train depuis des temps immémoriaux. Donc vous voyez des filaments bleus partout. Traverse l'espace. Et limite, vous pouvez presque retracer le chemin qu'a fait le train depuis qu'il est là. Et voilà. Et vous voyez que aussi vos montres ne fonctionnent plus. Elles sont arrêtées. Ok. Bon bah allons faire donc votre incantation là. Alors. C'est l'heure du thé. J'ai besoin. Que ça fait très longtemps. Vous imaginez que. Je suis ici. Que quelqu'un d'entre vous, quelqu'un qui pourrait se rappeler du trajet, du exact qu'a fait le train, le dénivelé, la courbure des choses, vous essayez de le rendre un maximum le plus proche possible de ce que c'était, qu'était ce que vous avez vu vous. Sur la maquette d'Albert. Et il me faudra un train. Tu peux tenter de me rappeler avec mon orientation? Oui, si tu veux. Elle est comme ça, mais... Tu peux? Bien, moi aussi. Il y a besoin d'un train ce soir. Enfoiré. Oh! Joli. Eh bien, aussi incroyable que ça puisse paraître, tu te rappelles exactement comment était la maquette du terrain. Le dénivelé, les angles du rail, tout ça. Ça, c'est quelque chose que tu sais, tu pourras reproduire, il n'y a aucun problème. Moi, ce qui me chamboule, c'est surtout qu'il faut un train. Voilà. Il vous faut un train. Il vous faut la locomotive. Alors, vous voyez qu'il commence à avancer dans le couloir pour se rendre vers le cinquième compartiment. Il dit, suivez-moi, messieurs et madame. Je vais vous montrer un peu le chantier qui nous. Je suis de très très près, autant dire que je suis le premier à le suivre. D'accord. Avec, le flingue dans la poche pointé dans cette direction. Et il se retourne vers toi et dit, ouais, monsieur, d'ailleurs, vous êtes... Nous ne sommes pas présentés, mais... Enfin, vous savez qui je suis, mais je ne sais pas qui vous êtes, donc... vous êtes monsieur? Je ne suis qu'un passager, monsieur. Je m'appelle Nelson, appelez-moi Nelson. Nelson, que vous avez l'air de faire preuve de beaucoup d'entrain, vous êtes... J'ai envie de plein d'énergie de pour réussir de cette tâche. J'aime beaucoup ça. Mm. Ça fait très plaisir. Et vous, messieurs, madame, vous êtes Emilio Durand. Emilio Durand. D'accord. Monsieur, jeune homme. Peter. Oui. Et vous, madame, très chère Ouaf. Madame ouais. C'est pas courant. Catherine. C'est du chien. Catherine. Tout simplement Catherine. Bien, ça fait fort bien plaisir de voir une femme. Ça fait tellement de temps que j'en ai pas vu. Donc du coup, suivez-moi et vous avancez dans le couloir. Vous passez la quatrième compartiment avec Henri Stanley. D'ailleurs, toi, Nelson, ainsi que toi, Catherine, vous tournez la tête sur le quatrième compartiment puisque vous savez que Henri Stanley y est. Vous voyez que Randolph, il ne fait aucun... Elle n'intéresse même pas ce qu'il y a dans le quatrième. Mais vous voyez un homme qui est en mode... voilà, comme ça, la tête dans les genoux et qui fait d'avant en arrière. Il est clairement traumatisé. Voilà, vous... santé mentale et au fond des pâquerettes. Je pense bien. On va le laisser pour le moment. Vous arrivez donc devant ce fameux cinquième compartiment. La porte est fermée. Randolph ouvre. Au moment où il ouvre cette porte, vous êtes pris d'une odeur immonde qui vous mais défonce le nez tellement ça pue la mort. Et Nelson, tu es le premier à voir ça puisque tu étais derrière lui. Tu vois les viscères d'une personne. Donc tu supposes que c'est humain. Boyau, intestin, toute la clique, tout ça. Posé en paquet par terre. Les autres derrière vous. Pas encore vrai, enfin vous êtes derrière, mais vous avez. J'ai un petit walker. Je vais dire un truc, mais. C'est comme ça. J'ai plus. Tu fais quoi? Je vais dire un truc, ça m'est passé par la tête direct. D'accord. Ouais, non. On voit ça. En tout cas, voilà. Vous, en fait, la porte du compartiment est pas super grande, hein, c'est pas non plus. Donc, en gros, tu as déjà Randolph qui est là, tu as Nelson qui est juste derrière, et vous êtes comme ça. Mais bon, vu l'odeur qui vous a attrapé au nez, vous n'avez pas forcément envie de regarder ce qu'il y a à l'intérieur. J'imagine bien ce que c'est. Et Randolph se tourne vers vous en disant déjà, ici, vous avez de quoi faire les rails, le circuit. Vous avez la matière première, donc j'espère que vous saurez m'aider à faire ça de la meilleure des façons. Donc qui se rappelle le mieux du chemin à parcourir? C'est moi-même, monsieur. Eh bien, Nelson, je vous en prie, faites-vous plaisir. D'ailleurs, tu vois qu'il se pousse de la porte, il te laisse le passage. Avec, vous voudriez que je fasse des rails avec les restes de votre repas de midi? Bah écoutez, il n'y a pas grand chose d'autre. En sachant que on a besoin de faire des courbes, puisque le circuit n'est pas forcément en angle droit. Donc, comme il faut être fidèle au circuit, malheureusement, je crains que oui. Nous n'ayons que ce choix-là. Donc, je vous laisse l'honneur de le faire. Ok, est-ce que je peux m'entretenir quelques minutes avec mes amis si vous voulez, ma foi. Je vous laisse donc. Donc, il se pousse, il va. Je sais pas où. Qui n'est pas armé parmi vous? J'ai manié un flingue. Non, je suis américain, c'est bizarre, je sais, mais non. C'était marrant. Je dois être le seul PG américain qui n'a pas de flingue, quoi. C'est super. Donc là, on ne va pas pouvoir le tuer, vraiment, c'est le seul personnage quand on sort. Ouais. Oui, En cas de litige, moi j'ai de quoi me défendre, mais je pense honnêtement que pour l'instant. mis à part d'être sidéré à chacune de cette phrase, il nous reste plus grand chose à faire, n'est-il pas? Pour le moment, on essaie de garder notre sang-froid, mais c'est dur. Oui. J'ai qu'une hâte, c'est que finalement, il nous a pas menti, qu'on sort vraiment de là et peut-être boire le même whisky que Nelson. J'ai peur que de toute façon, on n'a pas le choix de lui faire confiance en vue de tout ce qu'on a vu et tout ce qu'il relate. Il vous reste les ossements pour fabriquer le coup. Et il m'a l'air de dire la vérité, surtout. Ben bon, moi je vais faire les baisses besognes. Garde mon coltail moi, vous en faites. D'ailleurs, maintenant que Randolph s'est poussé, vous tous, vous avez une vue... imprenable. Bien, voilà, imprenable, exactement. Sur ce paquet de viscères immondes. Mêlés de sang, d'acide, de gastrique, machin, tout caca, tout horrible. Ça me donne pas envie du tout. Et bon appétit, bien sûr. Et voilà. Okay, donc après, si vous avez fini, on doit s'occuper de. C'est ça. Pas que de la maquette, mais trouver une locomotive avec des wagons. Exactement. Il vous faut maintenant trouver un train, une locomotive. Et vous avez une idée? Écoutez, comme vous pouvez l'imaginer, nous n'avons pas de train dans ce train. Très logique. Mais, de par mon expérience, tant que, dans l'ordre, je sais que nous pouvons simuler un train avec un simulacre de moteur. Sachant qu'il n'y a pas de moteur en soi, qu'est-ce qui est moteur chez les vivants? Cœur. Exactement ça, Emilio. Vous êtes plutôt doué. Malheureusement, j'en avais un. Tu vois qu'il a un cœur, il met la main à la poche, il sort un cœur, mais un cœur tout pâle. Tu vois, il a perdu sa couleur rouge, il est tout pâle et il dit « Malheureusement, ce cœur n'est plus viable et je ne peux pas m'en servir pour train. Alors, il m'en faudrait un peu plus près, si je puis dire, et... Dornier, de vous laisser me tuer, c'est ça? Pardon? Je n'ai pas parlé de vous tuer. Vous voulez mon cœur? Ah, j'ai pas parlé de votre cœur, j'ai parlé d'un cœur. Ah, dites mieux. Ah non, je vous explique seulement la procédure. Moi, je voulais, si vous voulez qu'on sorte d'ici... Il va nous falloir un cœur. D'accord. Un cœur soit viable. Celui que j'avais un ici cœur de bœuf, ça vous irait pas n'est plus bon. Il ne fonctionne plus. Il voit qu'il est là et il le mastique un peu. D'accord, ok. Très bien. Bon, on va essayer de mettre tout ce dont nous avons besoin. Donc nous avons besoin de rails, d'un cœur, nous avons besoin de cantiques que nous devrons réciter. Il faudrait que vous nous les écriviez sur du papier. Non, ça pour tout ce qui est incantation, je m'en occupe. Oui. Vous me faites les rails, vous me trouvez un train, donc un cœur viable, je m'occupe du reste, je nous ramène là où nous venons. Il faut qu'il soit fait comment, votre cœur, à peu près? Écoutez, je vous laisse deviner. Je suis pas là pour faire des charades, monsieur. Écoutez, sachant que Fray, je sais pas quoi vous dire. Il me faut un cœur, voilà. Il faut pas la hacher à main nue dans le torse du gars. Il faut que juste avant le cantique, je veux dire. Est-ce qu'on Ah est-ce... oui, non, il peut se, il peut, Il faut qu'il ait... limite, s'il a été récupéré il y a quelques jours, c'est encore bon. Sauf que celui-ci que j'ai là, il a été enlevé il y a trop longtemps. D'accord. Mmh. Mmh. Mmh. Enfin voilà, moi je vous dis que ça. Je vous laisse. Que je pense que là vous avez peut-être besoin de discuter un petit peu. Oui. Voilà, je vous laisse en discuter. Moi je vais un petit peu me remettre au bout du jour pour mes petites incantations parce que j'en aurais forcément besoin. Venez me voir quand tout cela est prêt. Pour... Oui. Allez-y. On fera ça. Révisez vos shards. Ouais. Quand il s'en va, vous avez l'impression d'entendre du bruit sur le toit du train, du wagon. Génial, ils s'en rendent l'envahir comme ça. Dans tous les cas, oui, ce pour le cœur. Bien évidemment, je sais à qui il pense, mais je me demande si celui d'une de ces choses là, aux yeux blancs, qui sont contre la porte, ne ferait pas l'affaire. Je me posais la même question. Oui. On va pas tuer quelqu'un. Mais alors, eux sont déjà morts. Contrairement à notre ami Henri, qu'on aimerait bien sortir de là. Faudrait un cœur vivant, bon il a dit, ils sont déjà morts. Oui, mais... Je ne sais pas comment ça fonctionne, mais d'un côté, s'ils sont debout à pouvoir nous parler, c'est que normalement, leurs organes fonctionnent encore. Attends, on va plus bien marcher, non ? Sortons pas. Autant essayer de tuer un mort plutôt que tuer un vivant. Oui. En fait, même si ça marche pas, au pire, à part être traumatisé une nouvelle fois, qu'est-ce qu'on risque ? Et peut-être qu'on sauvera la vie d'un innocent, et qui est peut-être la meilleure chose qu'on puisse faire en ces circonstances. On pourra se dire, au pire, si ça marche pas, on aura tout essayé pour l'épargner. Oui, et on essaiera vraiment tout pour l'épargner. Je pense pas qu'on doit arriver au meurtre aujourd'hui. C'est comme... Oui, ça serait farfelu. De séduire cet enfoiré de Rodolphe. Pour pouvoir récupérer la quantité. Comment il appelle ça le moteur, oui. Et le tuer par la suite, une fois récupéré l'information. Ah, tu veux essayer de... Ouais, faire, mais faire, il est très intelligent. Les incantations, ils sont de lui seul et le... et, oui, mais c'est... Enfin, on a tous sous-entendu, en tout cas tous pensé très fort, qu'il serait parfait pour faire le moteur. Mais c'est bien pour ça qu'il se réserve de ne pas partager ses incantations jusqu'au moment voulu. Après, juste une question. Essayez de trouver quelque chose qui pourrait faire office de moteur sans être quelque chose d'humain. Un moteur mécanique. Peut-être que quelqu'un a sur lui, je ne sais pas, un objet électrique. Ça pourra pas marcher avec ce qu'il cherche moteur. À faire. Ça pourra pas marcher, fonctionner avec ce qu'il cherche à faire parce que c'est à base d'organes. Il a pas dit que ça devait être obligatoirement un organe, hein. Ah non, il voulait reconstituer le terrain, quasi identique. Et le train qu'on a fait marcher pour arriver ici, je suis désolé. Jusque-là, à part des os. Jusqu'à preuve du contraire, il n'y avait pas de cœur dans le train qu'on a fait marcher pour venir ici. Il va savoir. Enfin, normalement, ils ont analysé la maquette, mais si derrière ça, il y a finalement peut-être des choses... Occultes ? Ah oui. Bah, forcément, c'est pas n'importe quelle maquette. Hein. Oui. Moi, je pensais plus que ça soit le tracé qui Bah... en fait, et que le train ne soit que Vous vous souvenez quand même miniature du train, sur la maquette... Il y avait des symboles ésotériques et tout ça. C'était pas juste un train que t'as posé comme ça et les roules, quoi. Ouais. Mais va savoir s'il n'y avait pas que des symboles, tu vois. Genre... D'accord, ok. Bon, allons tuer quelqu'un. Non. Il faut appeler un chasse-quin. Non, Vous savez, ça fait des années aujourd'hui, j'ai quelques connaissances plus ou moins pour lire certaines dessinées, ce genre de choses, et je me demande si c'est pas le moment venu, voire si, je sais pas, en lisant les cartes pour l'un d'entre vous, je pourrais peut-être trouver une solution autre que devoir tuer quelqu'un, chose qui ne me, pour l'instant, m'enchante guère. Je ne sais pas du tout votre avis sur le sujet, mais j'ai toujours été passionné par le tirage des cartes de tarot, ce genre de choses, et je me demande, voilà, si par hasard je ne pourrais pas trouver quelque chose dans notre destinée de différent de la mort. Écoutez, personnellement, je serais plus enclin à croire au tirage du tarot qu'à un train qui nous amène dans une autre dimension où des morts essayent de nous tuer. Du coup, vu où est-ce qu'on est là actuellement, je ne demande qu'à croire à ce que à votre tirage, vraiment. Alors, voyons si peut-être ça donnerait quelque chose. Emilio, vous avez l'air fort partant, alors. Bah venez, et on va s'installer dans la cabine numéro 2 qui est plus agréable peut-être pour ce genre de choses. On va laisser Nelson retracer les choses qu'il a envie de retracer. Et nous allons voir si je peux peut-être lire quelque chose de différent en vous. Ce serait peut-être la clé d'une solution miracle. Du coup... Bah du coup on va à la cabine. Bah du coup vous allez dans le deuxième compartiment. Tout à fait. Tu vois que dans ce compartiment il y a en fait une petite table vous pouvez vous poser et toi Emilio tu te retrouves en face tu te retrouves en face de Catherine et tu la vois sortir de ses affaires personnelles. Alors, tu dis... Un jeu de tarot. Un jeu de tarot. Elle avait son sac toujours. Une femme, tu dois, une lady, tu dois toujours avoir un sac avec elle. Et elle sort un jeu de tarot, la boîte, elle sort des cartes délicates. Et elle pose... Enfin, elle les mélange. Et elle pose le paquet de cartes devant. Tout à fait. Elle étale les cartes sur la table. Tout à fait. Je le fais vraiment en direct. Vas-y, c'est à toi, Catherine. Alors, attendez, moi, je m'installe, hein, je veux savoir vraiment ce que me disent les cartes. J'étale du coup les cartes, comme on l'a signalé précédemment. Et du coup, il va falloir tirer les cartes pour notre ami Emilio. Si je me trompe pas, c'est 4 cartes à tirer. Si je me trompe pas, je suis pas non plus. Il y avait trop 4 cartes, je sais plus. Il y a les deux. Là pour l'instant, le site sur lequel je suis me dit 4, alors on va le croire. Alors pour 4, moi je ne Alors pour 4. Et donc du coup, je vais tirer 4 cartes de manière totalement aléatoire. Les garder d'abord face cachée. T'es un fou, le jackpot. 2, 3, 4. Donc je tire 4 cartes. Enfin, dans ce lot de cartes. La première carte, mon cher Emilio. C'est la mort. Non. Va vous représenter face à votre question. Donc, comment vous êtes face à notre simple problème vis-à-vis de tout ça. Hein. Telle est la question auquel nous essayons de trouver réponse. Et vous avez tiré la lune. La lune étant symbole... d'obscurité, mensonge, mais surtout confusion. Et je pense que dire que vous êtes confus, pour l'instant... vous ne vous trompez pas. Ouais, mais ce qui me rassure, c'est-à-dire que les cartes, pour l'instant, semblent être en ne cohérence. Ne pas, les cartes ne mentent jamais. La seconde carte va soit, du coup, aider, soit contrecarrer notre interrogation. Donc, on va aller voir ça. Malheureusement, on tire l'épée, qui représente la guerre, les blessures et le conflit. D'ailleurs, je le montre, hein, c'est vraiment l'épée. Ce qui ne m'enchante guère pour le moment. Ça a l'air de valider notre questionnement. On va avoir la troisième carte qui annonce les possibilités, le potentiel pour atteindre notre but. Ok, nous avons la déchirure qui du coup représente l'errance, la déroute, le désordre et la séparation. La dernière carte est normalement la réponse à notre question. Et la réponse à notre question est malheureusement l'auberge, qui représente les lieux sûrs, la protection et la sécurité. Donc je rappelle, vous êtes actuellement confus. Notre problème se valide sous le signe de la guerre, des blessures et du conflit. Notre potentiel et les possibilités, c'est l'errance, la déroute, le désordre et la séparation. Et la réponse à notre question se trouve dans un lieu sûr, la protection ou la sécurité. J'aurais rêvé que ce soit un peu plus positif. Alors, la réponse, un lieu sûr. Oui, mais... un lieu sûr, oui. Le compartiment. Oui, je me rappelle. Après, c'est... il y a la sécurité, et dans la sécurité, peut-être que c'est un message pour nous dire qu'effectivement, essayer avec ces étranges choses qui nous veulent du mal, peut-être la sécurité, pour du coup Henri. Je ne sais pas si c'est comme ça interprété, mais ça me semble une interprétation... Possible. Mais Henri avait parlé de... la cabine numéro 3 comme étant son lieu de retranchement, son lieu où il se sentait en sécurité, justement, en sûreté. Oui, numéro 4. La 3, c'est là où il a bougoté, donc... aussi, ce qui signifierait que, du coup, notre solution se trouve en lieu sûr, actuellement. Voilà. On va devoir... De toute façon, les cartes l'ont dit, pour atteindre notre but, on va devoir vivre une tragédie, une séparation. J'ai bien peur... que ça nous annonce bien de mauvaises nouvelles quant à notre possibilité de faire autrement. Allons donc retirer les dernières volontés d'un mort. Est-ce qu'on allons faire ça. Des bruits au-dessus? Oui, d'ailleurs, de temps à autre. D'ailleurs, à un moment donné, quand... le côté dramatique de la chose, au moment où Catherine annonce la carte de du limite de cette tragédie peut vous arriver, va probablement vous arriver, vous voyez chuter littéralement en tournant la tête un passager du toit du wagon où vous êtes. Limite, il a... Et il tombe. Un peu en mode... ralenti, quoi. Genre en mode... Il est pas genre... Et vous voyez que... Il part dans le lointain. Et suivi lui aussi par des filaments bleus. Et en gros, il reste là, là. Comme dans l'espace, vous voyez. Et... du coup, ouais, ok, on vient de voir quelqu'un tomber. C'est un peu troublant, mais... Mais il y a toujours des bruits de pas, hein. Vous sentez ouais. Que... Voilà, et... Oui, la question du coup, ouais, que je cherchais, c'était est-ce que, du coup, c'est bien des gens chelous aux yeux blancs, du coup, qui sont en haut. Là, oui, ce qui tombe, là, c'est... En gros, vous sentez que, depuis que vous êtes arrivés, ils essayent, par tous les moyens... De nous faire du mal. De vous atteindre. En gros, même la porte où vous venez de rentrer, ça tape. Ça fait... Vous voyez, vous avez un visuel sur les gars, genre limite, ils sont écrasés comme ça. Donc en plus de ça, on est pressé par le temps. Très bien. Bon bah, Emilio, faisons ce que nous avons dit et allons informer les autres de la mauvaise destinée qui nous a été tirée. Il vient de tomber dans le wagon, c'est ça? Non, à côté. Et il est en mode... Ouh. C'est vrai que ça serait, c'est vrai que ça serait peut-être potentiellement pas mal si on arrivait à attraper lui, mais là, il est trop loin, il est problème. Le temps que vous réagissiez sur le fait que, puis après, quand je vous dis qu'il est au ralenti, c'est pas non plus. Je le voyais vraiment, moi. Donc... Non, il est pas en imposture, mais il est, c'est quand même lent. Vous êtes. D'accord. Enfin, okay. Vous sortez du compartiment et vous voyez toujours Rodolphe qui est en train de regarder pas un bouquin, mais enfin un petit truc, des petits trucs à droite à gauche. Il dit bon alors, qu'avez-vous décidé? Vous savez où vous allez trouver votre cœur? Nous avons. Je sais que c'est pas facile pour vous de choisir personne. Ça va, on n'a pas besoin de vos lamentations. On a quelques idées, on vous dira si ça marche. Alors, qui avez-vous décidé de prendre? Vous voulez tenter avec le cœur d'une de ces personnes qui sont à l'extérieur. Mais non, ces gens sont morts depuis bien longtemps. Mais leur système. S'il y avait une once de vie dans ces gens, je l'aurais su depuis longtemps. Non, ils sont morts. Ils n'ont plus de. Ce sont des résidus de d'êtres vivants qui ne recherchent d'ailleurs que la vitalité pour peut-être un jour revenir à la vie. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils veulent nous attraper ici. D'ailleurs, depuis que vous êtes là, je ne les ai jamais vus aussi motivés à vouloir rentrer. J'ai bien peur que si nous ne dépêchions pas rapidement, la porte cède. Non, je suis navré de vous détruire vos espoirs, mais sachez que je vais être franc avec vous. Malheureusement, si vous voulez qu'on s'en sorte, l'un d'entre nous, ici, dans ce wagon. Oui, nous avons compris ce que vous voulez dire, vous inquiétez pas. Donc pas, et pas vous, j'imagine. Ben, bien sûr que non. Hélas, heureusement pour moi, malheureusement pour vous, je suis le seul à pouvoir nous faire sortir d'ici. Oui. Personnellement, j'écoute la conversation et je lui tourne le dos, je m'en vais. Moi, je reste dans la pièce. Et je suppose que vous préconisez d'abattre notre ami Stanley. Je vais pas décider pour vous. Je ne suis pas là. C'est le fardeau que vous devez. Je vais aller monter le terrain. Pareil, oui, non, mais moi je vais avec Nelson. Je préfère traîner avec des tripes d'humains qu'avec cet homme. Mais vous savez, même si vous ne dites rien, si vous ne donnez pas votre avis, tout ça, vous consentez à ce meurtre, vous partagerez donc ce fardeau avec nous. C'est pas parce que vous abstenez de choisir qui va mourir que vous en détachez totalement. Mais bon, je pense que le choix a été fait. N'est-ce pas, Peter? Je vais m'entretenir avec notre ami. Très bien, mais je vais voir. Je vais voir dans la cabine alors. Numéro 4. Ça. Numéro 4. Cabine à trip. Bah, je viens avec vous, vous entendant y aller. C'est pas celle-là. Non. Ah, c'est toi qui vas dans celle-là. Cabine à la détenue. Mais là, on est dans la cabine numéro 1, là où il y a ces petits secrets. Ouais, mais je viens avec vous pour parler à Henri, parce que moi je vais pas encore parler. Et qu'on va aller. Alors qui fait quoi? Toi, Peter, tu restes avec Randolph. Ouais. Tu fais quoi, Nelson? Je vais à la cabine à triple, cabine numéro 5, je commence la main dans la merde, quoi. Mm-hmm. Courageux. Ça qui c'est qui fait avant. J'avais un petit souci, ça bouclait. Oui. Excusez-moi, c'est un petit problème de musique. Je sais pas pourquoi. Ça revenait en arrière à chaque fois. Ouais, il y avait une petite boucle. Ouais. Et du coup, voilà, bah, du coup, pour résumer, Emilio et moi, on va voir Henri. Peter parle avec cette chose. Et Nelson. C'est pas ça, monsieur. Nelson va commencer à faire son. Nelson est le plus courageux d'entre nous. Ah, c'est Nelson qui s'en souvient. On va pas intervenir. Alors, pourquoi à chaque fois j'ai la musique qui revient et il y a marqué Gassard et ça revient en arrière. Ah bon? Gassard, ouais. C'est très bizarre parce qu'en fait je ne suis pas sur le. Je suis pas sur Google. C'est peut-être un bug de. Non, mais ça va être Google qui. Ouais. Qui freeze en même temps. Je sais pas, c'est bizarre. Je vois écrit à chaque fois, je vois écrit Gassard. Tu peux passer la musique, mais au pire, je m'en vais. Bah, au pire, non, juste refresh ta page en fait. Qui, moi ou lui? Lui. Je refresh, et si jamais ça le fait toujours, je vais trouver la musique. Ce Gassard, il casse tout. C'était l'interlude, problème technique. Et oui, il y en a toujours. Comme ça. Du coup, nous avons Peter qui reste avec Randolph. Nelson. Ça l'a refait. C'est pas grave, continue. Au pire, pendant que tu parles, mets la modération pour qu'il n'y a que toi qui a le droit de changer. Je sais même pas c'est quoi, comment non, on fait. Non, mais hop là, c'est bon, regarde. Et je vais aller sur Spotify, je vais mettre mes propres musiques. Bon, ok, vas-y. Oh non, la tristesse. Bon, allez-y. Alors. Nelson, donc tu pars commencer à faire le petit circuit en mode boyau. J'ai fait un bousin. Et nous avons Catherine et Emilio qui vont voir le fameux Henri Stanley. Je vais faire en sorte de passer au niveau de. Voilà, je vais rester avec notre ami Peter. Okay. Et on retire nos casques. Et les trois autres, s'il vous plaît, veuillez retirer vos casques. Eh ben non, on n'entend plus la musique. Merci. Peter, tu es donc avec Randolph dans la pièce. Et je suis dégoûté, comme la plupart d'entre nous, de cette chose. Dans tous les cas, je sais, et je suis assez intelligent, je pense, pour comprendre que sans lui, il a déjà manigancé le coup, et sans lui, on ne peut pas résoudre le problème du train, et nos heures sont comptées. Donc, il nous faudra trouver un cœur, quoi qu'il arrive. Mais avant ça, je lui demande à cet homme, qui a l'air d'en savoir beaucoup, beaucoup, si il peut pas répondre à quelques-unes de mes questions. Est-ce que ça lui dit quelque chose, le simulacre de Sedeftar? Simulacre Sedeftar. J'imagine que dans votre bibliothèque de connaissances, vous devez avoir à peu près lu ces livres autant de fois que il y a de copies. Vous ne connaissez pas ce genre de choses. Faire un jet de chance. Ah, j'avais augmenté ma chance en plus. Oh, heureusement que j'ai augmenté aujourd'hui. Écoutez, effectivement, ça me dit quelque chose. J'ai cru comprendre. Je ne sais pas grand chose hein, sur ça, mais il me semble que c'était une statue. Une statue qui a été démembrée en plusieurs morceaux, et qui aurait des pouvoirs assez puissants. Oui. En fait. Mais c'est quelque chose de très très obscur pour même pour moi qui je ne saurais pas vraiment vous en dire plus mais oui effectivement je connais un petit peu enfin j'ai entendu parler de ce dans quel ordre Celle de la lune ou celle du soleil? C'est plutôt l'ordre du soleil, si je puis dire. De l'aube et carbate, la l'aube dorée. L'aube dorée, oui. Mais je pense que même mon ordre, ordre-là n'est pas forcément très renseigné. C'est quelque chose de très, très ancien. Qui a pour lieu, il me semble, la Turquie. Constantinople, de me vague souvenir. Une histoire de... d'un homme qui s'appellerait Sedefkar, qui aurait fait appel à des forces obscures, des forces puissantes, un Comment dieu. Comment est-ce que vous avez fait? Un dieu, non, là c'est un niveau beaucoup plus élevé que le mien. Je suis misérable à côté de ce Sedefkar, mais qui aurait invoqué un dieu quasiment pour lui donner le pouvoir de créer cette chose, de créer cette statue, à qui on confère énormément de pouvoir, de puissance, mais qui est très obscure. La mort rôde à côté de... Est-ce que je peux voir le bouquin qu'il est en train de lire? Tu vois que c'est des prises de notes. Ça n'a rien de... Tu ne trouveras pas ici d'incantation, de machin. Non, je pense qu'il les aurait. C'est vraiment, il a pris des notes, il a pris des... Comme s'il avait noté un peu tout ce qu'il avait fait depuis qu'il était dans ce train. Tu vois que... Limite, tu as un coup d'œil comme ça, tu arrives à voir... jour, je sais pas combien... quatre personnes sont arrivées... quatre nouvelles personnes sont arrivées dans le train. Je les ai aidées... Seront-ils m'aider en retour? Pour l'interrogation. Là, dans sa bibliothèque, je peux pas fouiller un petit peu? Bah après, la bibliothèque, il n'a pas vraiment de bibliothèque. Sachant que quand il est venu, il avait ses affaires personnelles, un sac, et c'est tout, quoi. C'est pas son train. C'est un train qu'il a pris. Il avait son petit sac, donc il a 2-3 bibelots, des trucs... voilà, quoi. Tu sens que ce qui lui importait lui le plus, c'était le train en lui-même, plus ce qu'il a dans la tête. Voilà. Donc aucune chance. Donc c'est bien ce que j'ai compris. Après, tu vois qu'il rigole quand même. Il a un petit rictus dans le sens où quelque part tu sens que il devine que tu essayes de lui tirer des choses pour peut-être mais que ça n'arrivera jamais. Il est trop intelligent pour se faire avoir et il sait que c'est son unique carte de survie, quoi. S'il lâche ça, il est mort. On a bien compris. Voilà. Donc, j'ai un moteur qui soit le cœur. Ça va être difficile si on n'en a pas, quoi. Aucune solution. Après il te dit, écoutez, je vois bien que vous avez l'air d'être le plus ouvert à tout ceci, mais faut que vos amis comprennent bien que un de nous, et forcément pas moi, vous avez bien compris, doit mourir. Après, qui? C'est à vous de choisir. Vous choisissez Henry Stanley? Je peux le comprendre. Vous ne le connaissez pas. Vous connaissez, je ne saurais pas depuis quand, mais vous avez l'air de bien vous entendre, donc je me doute que vous n'allez pas vous entretuer, mais il faut qu'une personne, malheureusement, se sacrifie pour qu'on sorte. C'est Pourquoi la seule avoir chose. Tué votre fils avant d'avoir achevé le rituel? Et il faut bien se nourrir. Vous étiez vraiment mort de faim? Mais écoutez, vous savez depuis combien de temps je suis là? Moi, en soi, ça fait presque des mois, enfin, deux ça fait 12 ans trois pour mois. Vous. Mais dans ma temporalité, c'était ça à peu près. Vous avez déjà essayé de ne pas manger pendant un mois? Voilà, donc malheureusement, je n'avais pas le choix. Quand je l'ai vu arriver, j'ai d'abord cru pouvoir... qu'on allait pouvoir s'en sortir, mais nous n'étions que deux. Et les autres étaient déjà partis. Nous n'avons pas trouvé d'autre solution et j'ai bien senti que je ne pourrais pas faire ce rituel sans un train, sans un cœur. J'ai donc décidé, malgré tout, de tuer mon fils, déjà pour le cœur et ensuite pour me nourrir. Malheureusement, je n'ai pas su faire le rituel moi-même et le cœur aujourd'hui n'est plus viable. En tant que vrai père, je pense que vous auriez dû transmettre votre connaissance et laisser votre place à votre fils. Et je m'en vais le laissant à ses occupations. Ok. Du coup, on va demander à Nelson. Pas Nelson. Je m'enlève. Voilà. Nelson. Tu es parmi nous, Nelson ? Oui. Tu te diriges donc vers le cinquième compartiment. La porte est ouverte. Tu as les viscères devant toi, prêtes à être travaillées. Ah bah on va mettre la main dans le pétrin. Bien sûr. Comment voilà. Je pose mon arme à côté de moi et je relève les manches, je commence à poser les choses, je fais du mieux que je peux. Alors tu sens voilà que rien que le fait de mettre les mains dedans, ça déjà c'est une texture ignoble. Hein, ça fait. T'as des bruits dégueulasses. Et le fait de remuer tout ça, ça empire l'odeur. C'est encore pire qu'avant, tu vois. Ça ramène des odeurs encore plus dégueulasses. Donc limite, là, t'es en train... Tu vois, limite, t'as des haut-le-cœur de fou, tu vois. Des gros haut-le-cœur. Mais tu commences à faire le travail. Tout ce qu'on peut dire, c'est que tu vas me faire un jet de... constitution, on va dire. Eh bien, tu te surprends à plutôt bien résister au bout d'un moment à cette odeur. Dire que l'afflux massif d'odeurs nauséabondes et tout ça, au bout d'un moment, ton nez est juste... Toi, tu perds l'odorat quasiment. C'est saturé, là. C'est bouchon. T'as mal de crâne, quand même. T'as un peu mal au crâne parce que, voilà, à force, ça te fait mal au crâne, mais tu sens plus rien. Qui fait que tu travailles plus vite que ce que tu aurais pu imaginer. On va dire que ça va te prendre, alors même si la temporalité n'existe pas, hein, on est bien d'accord, hein, mais que ça te prendrait pour bien faire les choses, allez, une bonne heure pour bien faire tout comme il faut, bien les déniveler, les machins. Sachant que c'est quand même des viscères, donc des fois ça peut glisser, donc faut que tu trouves un truc pour bien caler, tout ça. Ça va te prendre une heure. Pendant ce temps-là, bah, tu vas toi, être occupé à ce que tu dois faire. Donc, mais quel est ton état d'esprit pendant que tu travailles? Je peux plus, hein. Tu sais que je suis à la limite de péter les plombs moi-même. Hein. Enfin, moi... le personnage. Oui, non, Nelson est au bord du gouffre, quoi. Enfin, non, mais là, je... Et puis quand je vois qu'ils sont tous là stressés, à dire je vais pas tuer d'innocents, je vais pas tuer un être humain ou quoi. Moi j'ai rien qui me retient, franchement. J'ai rien qui me retient. Donc autant que je balance un sacrifice, basta, voilà, ils auront pas. Ouais, donc en gros, tu commences à avoir des idées noires. Tu commences à penser à la mort. Non, mais je veux dire, il n'y a rien qui me retient à l'extérieur. Hein, à part oui, oui, oui. Ouais, en gros, tu es fragilisé par le fait d'avoir vécu un traumatisme. Ouais, j'ai pas envie de leur donner mauvaise conscience par le fait de d'avoir quelqu'un, quoi. Mais écoute. D'accord, sache que j'en prends note. Donc là, ouais, mais si j'ai mis le flingue à côté, c'est juste le dernier truc. J'écris un mot sur mon mouchoir. Disons que le temps que tu fasses ça, les choses se passent à côté. Donc, je prends note de tout ça. Et en gros, voilà. Quelqu'un n'arrive pas avant que tu finisses tout ça. Ils entendront quelque chose. S'ils arrivent avant... Ils arriveront avant, tant mieux. Voilà. Ok. Donc, ce que je vais faire, c'est que je te laisse à ça. Tu fais ton petit machin, ton petit mot si t'as besoin. Et je repars avec les deux autres. Je décroche mon casque ? Ouais. Okay. Oui, parce que là, je vais prendre Maxime et... Ok. Et Gassard. Hop. Voilà. Emilio, Catherine, oui. Vous arrivez donc devant. Micro. Vous arrivez donc devant la porte du quatrième compartiment. Qui l'ouvre ? Catherine. Tu l'ouvres. Tu vois ce Henry Stanley toujours en mode la tête dans les genoux et qui se balance d'avant en arrière, blotti dans le fond du compartiment. Je m'avance. En jetant un œil à Emilio, voir s'il a l'air suspicieux, vu que lui il l'a déjà vu une fois, ou s'il a l'air... Et tu entends murmurer « Je veux pas mourir. Je veux pas mourir. » Je vais pas mourir. Sors ce mode là, s'il vous plaît. Sauvez-moi. Putain, pas mourir. Pas mourir. Je vais quand même il sait pas qu'il est là. Là, il est dans son truc, tu vois, limite. Il a la tête dans les genoux, donc en gros, il a même pas entendu que t'es rentré, quoi. Il est là. Est-ce que vous le sortez de sa torpeur ou vous le laissez comme ça? Je sais pas trop comment agir, je sais pas trop comment ils ont interagi avec lui avant, donc je regarde beaucoup Emilio, enfin je l'observe un peu en donnant des regards très clairement posés sur lui pour lui dire clairement. J'essaie d'approcher le gars, le serrer, tu vois. Ah c'est vous. Fermez les yeux, fermez les yeux. Ça y est vous. Vous êtes débarrassé de Rodolphe. Vous êtes débarrassé de Rodolphe. Calmez-vous. Fermez les yeux. Racontez-moi. Je veux pas mourir, monsieur. Je veux pas mourir. Un souvenir. Racontez-moi un souvenir que vous aimez. Quelle est la chose que vous préférez au monde? L'endroit que vous préférez au monde? Mais le problème, c'est que ce que je préfère le plus au monde, c'est les trains. Mais maintenant. Pensez au dimanche midi, les dîners en famille. Les dîners en famille, votre mère qui a préparé un pot-au-feu. Ma mère est morte. Rappelez-vous de ces moments nostalgiques quand vous étiez enfant. Votre premier amour. Rappelez-vous de ça. Rappelez-vous des joyeusetés de la cour d'école. Rappelez-vous de quand vous jouez au foot avec vos collègues, vos amis. Rappelez-vous de ça. Rappelez-vous de ces moments à la mer, l'embrun sur qui arrive en pleine face, les enfants riant, s'amusant dans la mer. Rappelez-vous de ça. Oui. Calmez-vous. Je pensez à ça. Je me calme. Évadez-vous grâce à ça. Ça vous aider. Fermez les yeux. Essayez de vous reposer. Oui. Je me calme. Je me calme. Voilà. Et je me retourne. Oui, vas-y. Je me retourne vers, vers Catherine d'un regard quand même résigné en mode. Voilà quoi. Ouais, effectivement, il est dans un état pathétique. Du coup, je vais tenter le tout pour le tout. Je vais me rapprocher de lui, me mettre à sa hauteur et lui demander très gentiment, ce qui est un effort déjà de ma part. Dites-moi, est-ce que par hasard vous auriez déjà entendu ce Randolph Alexis dire certaines incantations, quelque chose du genre? Tu vois qu'il lève la tête vers toi, il t'avait pas vu clairement, et il se rend compte que t'es une femme. Et bizarrement, il voit que t'es calme, enfin, t'es stressé. Mais je fais tout pour paraître calme, bien sûr. Même et si là, dans ma tête, dit, mais... là, je tue tout le monde en mitrailleuse, mais et, ça c'est. Et quelque part, il est en train de se dire, mais je passe pourquoi? Ça lui fait un truc, et tu vois que d'un coup il arrête de bouger comme ça et il te regarde. Et... Bonjour madame. Se sent bête. Vous m'avez dit. Qu'est-ce que vous m'avez demandé? Si vous avez entendu ce Randolph Alexis prononcer la moindre incantation. Quelque chose qu'on n'aurait pas forcément de sens et qui lui servirait à lui pour ses choses occultes. Non. Il m'a parlé de ce que l'on. Où on était. Il m'a parlé de. Son plan. De faire ton chemin et le train. Oui. Mais. Je. Non, et après, j'avoue que je. J'ai un peu t'aidé à la panique et je me suis retranché ici. Je me sens ridicule. Écoutez, on fait notre mieux pour sortir de là, mais. Si vous avez quoi que ce soit qui peut nous aider, parce que pour l'instant, c'est lui qui a l'avantage. Il connaît la cantation qui nous fera sortir. Qu'est-ce qu'il vous a demandé de faire? La même chose que vous. Mais qu'est-ce qu'on doit faire pour sortir? Moi, il m'a pas dit. Il m'a pour dit sortir, qu'il avait une solution, mais il m'en a jamais parlé vraiment. Il m'a juste dit ce train, le chemin. On doit justement reproduire ce chemin avec un train et... C'est là que le bât blesse, nous n'avons pas de train et nous cherchons une solution de compenser. Et. C'est-à-dire que. Il faut qu'on arrive à lui prendre l'avantage. Si nous-mêmes nous prenons conscience des incantations, on pourrait sortir, vous et moi, en vie d'ici. Je comprends. J'avoue que je ne pourrais pas vous aider sur ce. J'avais pas vu un livre, quoi que ce soit, un papier. Non, j'ai très vite paniqué, j'ai très vite enfermé, surtout quand j'ai vu que ces os, ces trucs dans le cinquième compartiment, là, ces viscères, j'ai complètement paniqué, je suis parti me cacher dans... Je comprends, ne vous inquiétez pas, mais si, écoutez... Nous allons essayer de gagner du temps malgré le fait que nous en ayons très peu. Si la moindre chose vous revient, sachez que ça pourrait sauver la vie de nous tous. Je vais y penser, je vais réfléchir. Si je me souviens de quelque chose, je ne peux rien vous promettre, mais... On doit agir vite essayer. Contre lui, parce que malheureusement, sinon on sera obligé de jouer à son jeu et on risque de perdre beaucoup. Je comprends. Je me relève, regarde Emilio pour voir du coup Il semble avoir quelque chose dans son regard ou s'il a l'air d'être aussi perdu que nous le sommes. Bah, je suis d'un air résigné quand même. Hein. Mmh. Je suis toujours en mode. Il va peut-être falloir le tuer en fait. Ouais. Effectivement, hein, c'est. Je pense qu'il nous reste très très peu de marge d'action, donc franchement, je comprends ton regard, mais. Ouais, moi personnellement, je vais voir s'il n'y a pas un dernier coup à tenter, genre des dernières minutes de préparation. Et si jamais on n'y arrive pas, bah il faudra faire. Peut-être le séduire, ou je ne sais quoi. Et là, ouais. Du coup, en gros, vous avez à peu près parlé 20-25 minutes avec. Henri, qu'est-ce que vous faites maintenant? Après avoir expliqué ça du coup à Emilio une fois en privé, parce que je vais pas expliquer ça devant ce oui, programme. Oui, non, après voilà, vous sortez oui, devant oui, la oui, porte, bien sûr, mais voilà. Après avoir lui expliqué ça... Vous faites quoi, après? C'est vrai que je pense que la dernière alternative, c'est de... Peut-être d'essayer de voir ce que je peux faire directement avec Randolph. Voir si je peux pas soutirer l'ultime information qui nous permettrait de sauver cet homme. En sachant que tu sais qu'en ce moment même, tu as Peter en train de parler avec Randolph en lui aussi en train de discuter. Donc peut-être que lui, de son côté, il a pu avoir des infos. Mais je vais attendre effectivement que Peter revienne. Déjà voir ce que lui il a. D'accord. Pour ne pas le presser. Et si c'est intéressant, je vois, et sinon tant pis, il faudra se résoudre à faire l'irréparable et aller loin dans notre survie. Je suis là. Donc vous êtes dans le couloir, tous les deux à discuter, Emilio et Catherine. Et tu vois Peter sortir du compartiment, du premier compartiment, et qu'il arrive dans le couloir, il referme la porte derrière lui. Et donc Peter, tu vois... Effectivement aussi, donc Catherine et Emilio qui étaient en train déjà de discuter devant la porte du quatrième compartiment. Et vous savez que Nelson lui est dans le cinquième en train de. Mais honnêtement, bien que je soutiens énormément Nelson, c'est très dur d'aller là-bas, même juste pour lui dire. C'est bien, tu vois, genre... Vous savez qu'il est... Ouais, on le sait. C'est... Seul là-bas, en train de bosser. Quand Peter arrive, je... J'ai Peter... quelques sueurs froides, quand même. Hein. Je suis pas très en forme. J'espérais te voir plus en forme. Bah, du coup, après la chose, c'est... Peter, ça va? On peut faire mieux. Ouais. On n'a pas de solution, en tout cas. Il garde bien le secret sur ses incantations. Vous avez essayé de lui tirer l'information, c'est ça? Il est beaucoup trop malin et je pense qu'il sait très bien que c'est sa seule porte de sortie. Bien sûr. J'essaie de voir, peut-être aurait-il un regret à la mort de son fils. Je lui ai fait germer cette idée, mais... Ça n'a pas l'air de... Non. Bah, honnêtement, je pense que toute santé mentale n'est plus dans cette personne. Mais j'ai parlé, moi et... Emilio à Henry. Je ne lui ai pas annoncé qu'il était notre alternative. Je lui ai permis de reprendre un peu esprit. Donc il est plus calme que lors de votre première rencontre. Mais j'espérais soutirer de lui la moindre petite information, le moindre... Oui, quelque chose qui nous aiderait à prendre avantage, mais j'ai bien peur que si on ne trouve pas rapidement solution, on va devoir aller trop loin. Je pense qu'on n'aura pas beaucoup de chances de s'en sortir cette fois-ci. Et ça me fait très très très très mal au cœur de sacrifier quelqu'un d'innocent. Mais croyez-moi que je... J'aimerais tout tenter pour ne pas l'avoir sacrifié. Vous êtes sûr de n'avoir rien vu chez Randolph qui... Non, il a quelques notes, mais seulement depuis notre arrivée. Et il garde dans sa mémoire tous les passages comportant une implantation. Emilio a soumis l'idée peut-être de jouer de mes charmes, mais... Je ne sais pas ce que ça pourrait donner avec un tel homme, et j'avoue craindre un peu pour ma propre santé. Je tiens à dire, il est très intelligent, et J'ai peur qu'il le sait très bien que on est un peu hostile envers lui. Ah Dieu. Ça veut dire que sûrement... Et c'est une question de temps avant que ces choses viennent à l'intérieur. C'est ça le problème, c'est qu'on n'a pas d'ailleurs, de temps. D'ailleurs, vous sentez que ça tape. Ça tape, ça tape. Vous voyez même des sur les fenêtres, dans le toit, vous voyez des mains qui viennent toucher la fenêtre comme ça. Je propose d'aller voir Nelson, voir où il en est, voir s'il a une ultime idée et si jamais rien n'en ressort. Et je me sens vraiment pas très bien, je pense que je vais me poser un petit peu. Je comprends, Peter. Après tout, je pense que discuter avec cette personne ne fait du bien à personne. Si vous voulez aller en sécurité avec notre futur condamné, il est plus calme. Peut-être que vous arriverez à avoir une information intéressante de dernière minute. Allons voir, j'ai envie d'aller voir Nelson. Et lui rapporter ce que je sais. Aussi, j'ai réussi à avoir quelques informations parce que le bougre, c'est quelques trucs sur le simulacre. Oh. Mm-hmm. Écoutez, gardez ça en tête. Occupez-nous de Nelson avant qu'on soit submergé. J'en parlerai dès qu'on sera avec Nelson. Tout à fait, oui. Du coup, on se rend à la cabine numéro 5. Eh bien, vous entrez dans la cabine numéro 5. Vous voyez Nelson qui est à genoux, les mains dans le cambouis. Donc là, c'est plutôt les mains dans les tripailles. Boudin. Vous allez me faire un jet de toc tous les trois. Ah. Très bien. Ah, j'ai un petit succès extrême. Il sort nulle part celui-là. Succès simple. Succès simple aussi. On est pas mal tous les trois. Là, on est sur nos gardes. Je peux dépenser 2 points pour faire un succès extrême, pardon. En vrai, ça vaut pas le coup. Non, t'as pas besoin. T'as déjà fait un succès. En vrai, j'ai fait un 54 pour un 55. C'est juste pour. En fait, ça permet juste de pouvoir faire un succès si t'as fait un échec. Tu peux pas. Ouais. Tous les trois. Tous les trois. Quand vous rentrez dans la pièce, alors effectivement, vous voyez Nelson qui est en train de travailler, mais vous voyez aussi que Nelson a posé son arme juste à côté de lui et que juste en dessous de cette arme, il y a un papier et il a écrit quelque chose est écrit dessus. Je vais aller voir. Mais on peut alors, parler à Nelson, il est juste là. Hein. Comme tu as fait un succès majeur, Peter, je vais partir du principe que Nelson n'a pas vu que tu as vu ça, en fait, et que tu te diriges vers le papier. Donc il est dans les mains dans le cambouis. Machin, tu vois, il est à ce qu'il fait. Et que du coup tu peux prendre le papier. Je m'en saisis nonchalamment et je le regarde et je le lis. Quand tu lis ce papier, tu vois écrit dessus en gros que c'est un message qui s'adresse quasiment à son neveu, et que c'est écrit de la main effectivement de Nelson. Et en gros, tu comprends très vite. Ouais. Je comprends que très vite. Nelson est dans un désarroi, dans le désarroi le plus total. Il est à deux doigts du suicide. Je pense qu'on a pensé à la même chose. Vraiment. Faut pas me laisser m'enfermer comme ça tout seul, les mecs. C'est vrai qu'il était pas très bien en salle. Je m'attends. C'est pas une superbe ambiance, c'est pas une superbe lumière, l'odeur est pas superbe, rien n'est superbe. Je me saisis de l'arme qu'il a posée. Je la mets. Eh bien, tu prends l'arme et toi, Nelson, juste au moment où il récupère l'arme, te rends compte que Peter a saisi ton arme et qu'il a vu que tu avais sans le mot. Vous êtes bien arrivé maintenant, les gars. J'ai fini la maquette. Je crois que c'est prêt à l'emploi. Il s'est passé une heure hein, depuis que vous avez commencé, enfin qu'il a commencé la maquette, donc pour vous aussi. D'accord. Ça c'est quoi durant tout le temps appeler ça On n'a pas trop avancé, on a regardé, on a essayé de comprendre, de voir si on pouvait trouver des informations sur l'incantation qu'on pouvait dire. Peut-être sauver notre ami Henri, mais malheureusement, rien n'est de. Nous n'avons eu rien de concluant. Henri a réussi à reprendre un peu ses esprits, et ça sera peut-être plus compliqué maintenant de le tuer. Si nous devons arriver à cet extrême. C'est exactement ça. Et je pense que cet extrême est ce qu'on va devoir faire de nos prochaines minutes. Si on n'a rien d'autre qui se dégage. Au moment où vous dites ça. Vous entendez un bruit dans votre dos et vous vous retournez au niveau de la porte et vous voyez à ce moment-là Henri Stanley plaqué contre la fenêtre qui donne sur le couloir, un visage blême. Et vous comprenez qu'il vient d'entendre tout ce que vous avez dit. Il s'était levé. je tire. J'ai toujours ma petite arme sur moi. Bah, ouais. C'est le moment de faire la pire des choses possible. En plus, c'est bien parce que je suis pas spécialisé en tir. Hein. C'est vraiment un truc instinctif. Et bah, tu tires, vas-y, fais-moi un tir. Aucun sens. Tire-lui dans le cœur. Il y a une compétence. Putain, c'est con, les sujets. Échec critique. Ah oui, dans le cœur. Il y a combat à distance. Retour à zéro, tu sais, on a tiré dans le cœur. Arme à distance, je pense. Que là, on va pouvoir l'avoir. D'accord. Alors attendez, excusez-moi, hein, je ne connais pas tout à fait ce jeu. Arme à distance, non. Arme de main. Combat. Arme de main. Ah oui, d'accord. D'accord. Ah oui, non, mais j'ai aucune chance de réussir là. Mais moi, je suis professionnel dans ça. Hein. Mais au pire, tu tires juste après moi. Hein. Oh putain, si. C'est bon. Ok. Alors, ça me permet de cocher en plus. C'est que tu réalises, mais alors l'accumulation de tout le stress de la folie qui s'empare de vous depuis que vous êtes arrivé, l'accumulation de cette incertitude, le fait de peut-être que vous allez mourir, de peut-être que il faut tuer quelqu'un, tout ça, ça monte en toi. Et en fait, tout ça va être résumé en un geste au moment où tu vois Henri Stanley dressé devant toi, même s'il est prostré, enfin, il bouge plus parce qu'il est tétanisé par ce qu'il vient d'entendre et que, en gros, il est mort de peur, hein, quasiment. Tu chopes l'arme dans ton sac à main. Arme toute ridicule. En fait, c'est tout se résume dans le geste. C'est là, tu exhortes tout ce que t'as accumulé depuis que t'es là. Tu tires, boum. Tu tires dans la tête, un trou parfait. La balle ressort, brise la vitre qui est derrière. Qu'avez-vous fait, Catherine? Qu'avez-vous fait? La vitre explose derrière. Il s'effondre. Red mort. Sur ce, vous entendez quelqu'un courir et vous devinez que c'est Randolph qui est mort. Qui arrive en courant à dire: alors ça y est, vous vous êtes décidé, mais vous auriez pas pu tirer autre part que sur la vitre quand même. Bon, il faut se dépêcher là, il faut se dépêcher là, parce que sinon, si ça arrive à rentrer dans le wagon, on sortira pas. C'est bon. Extirper le cœur, j'ai essayé de le retenir. Je rends le pistolet à Nelson. Alors, tu vas me faire quand même, Catherine, parce que je viens de tuer quelqu'un quand même. Mais en fait, je pensais même à faire le jet de santé mentale avant de faire le jet de tir, TKT. Hein. Un petit jet de santé mentale. Tout à fait. Moi, j'étais contre le fait de le tuer, donc c'est même pire pour moi. J'étais contre le fait de le tuer aussi. Hein. Donc c'est limite si j'ai pas un malus, tu vois. Ouais, oh, bah... Je suis pas surpris. Hein. Mais en même temps, c'est totalement RP avec ce qui vient de se passer. Moi, je... Ouais. Moi, ça me va. Alors... Tu as de la chance. Et tu as énormément de chance dans ta malchance. Ok. Parce que les dés ont été favorables pour toi. En gros, tu as raté, certes, voilà, ouais. Mais tu vas perdre que 2 centimètres. Ah, en fait, c'est genre un mélange entre la torpeur que je viens de faire, la pire chose que je voulais pas faire, et de l'autre côté, le fait que ça m'a permis d'extérioriser tout ce que je viens de vivre. Tu vois, du coup, ça... Et aussi, ça quelque part, le fait que vous vous donnez une porte de sortie maintenant. Ça y est, c'est fait. Vous avez un moyen de quitter ce train, malgré tout. C'est bon. Je suis passé à 57. Maintenant que le mal est fait, entre guillemets... Oui. Je prends mon couteau si jamais j'en ai un, sur moi. Et je lui extirpe le truc, et, étant donné que je connais assez bien l'anatomie, j'ai pas mal de... Oui, avec la chasse, tout ça, il y a pas... Je... Voilà. En gros, là, t'es dans un état complètement... Je suis complètement pété de... Voilà, t'es complètement explosé du cerveau. J'ai du sang partout, de toute façon. Donc là, t'as tritouillé du sang. Tu es peut-être le plus à même à faire ça de tous, clairement. Donc, vous voyez tous Nelson sauter sur le mec, planter son couteau dans le thorax et écarter la cage thoracique. C'est le seul moyen de toute façon de pouvoir aller, et à main nue dans le désespoir faire. Et avec son couteau, vous voyez encore le cœur qui, malgré tout, qui sectionne les artères, et là ça fait. Vous avez tous, vous recevez tous sang. Tous. Vous voyez que Nelson en est mais recouvert de pied à la tête. Il a tous dans la tête. Et de l'autre côté, vous voyez Randolph qui a un sourire mais sadique, horrible. Je te tuerais tellement. Genre. Le costume 3D. Et il arrive vers toi. Et il te demande le cœur. Je lui tends, je lui tends. Et là, tu voyais qu'il regarde ce cœur qui est limite presque encore en train de... Mais un peu moins maintenant. Qui du sang s'écoule sur son bras le long. Et... Faisons ce truc. Il a toujours son sourire. Ah, mon train. Mon train. Chou, chou. Oh, le train. Et vous voyez qu'il se met directement sur le circuit et qu'il commence à jouer avec comme un enfant, hein. Et qu'il commence à dire des choses dans une langue que vous n'imaginez même pas, mais c'est murmuré, quoi. C'est vraiment... Vous êtes en train de le regarder, mais vous avez à peine le temps d'avoir commencé ça que... Vous entendez des... et vous voyez des jambes, des pieds arriver au niveau de la fenêtre qui est cassée. Et ça, limite, vous voyez quelqu'un qui est en train de se lâcher et qui est prêt de tomber à l'intérieur du wagon. Qu'est-ce que vous faites ? J'ai dit que j'ai essayé de les retenir au niveau de la fenêtre tout à l'heure. D'accord. Bah donc, en gros, là, tu es en train de voir des pieds qui arrivent au niveau de la fenêtre, les jambes qui commencent à glisser et comme si quelqu'un voulait faire. Qu'est-ce que tu fais ? Je donne un gros coup de poing dans la personne. Donc tu pousses comme ça. Pour essayer de le faire tomber. Ouais, bah là, clairement, de toute façon, la personne est en train de descendre, donc elle a pas de prise, mis à part ses mains qui se tiennent là-haut. Ouais. Donc, tu vois, vous voyez tous Emilio en train de pousser la personne qui. Dans le même temps, enfin, il y a plusieurs personnes, et c'est les... dans le même temps, vous entendez dans le fond. Parce que le coup de feu a donné un coup de fouet à tout le monde, en fait, ça a un peu excité tout le monde. Vous voyez la porte commence à céder. Ça fait des pfff. Vous sentez que le bois est en train de céder. Ça commence à lâcher prise. Vous dites que dans 5-6 minutes, grand max, ils sont à l'intérieur, ils rentrent. On va espérer que Randolph soit. Vous voyez toujours. Randolph qui est en train de jouer lui, il est là. Chou chou. Au secours. Qu'est-ce que vous faites? Alors il y a toujours Emilio qui est au niveau de la fenêtre. Les autres, vous faites quoi? Bah je voulais fermer la porte en fait. Donc tu laisses Emilio dehors? Bah non, bah du coup non. je voulais faire ça avant. Mais du coup je me mets à peu près dans un coin de la pièce et je regarde ce qui se passe et j'attends que ça arrive rapidement ce truc. Ok, pareil. Catherine, tu fais quoi? Je me dis que de toute façon ça avait pas duré longtemps pour venir et qu'avec un peu de chance on partira avant que ça casse. D'accord, et toi Nelson, qu'est-ce que tu fais? Là j'ai fait plus rien, j'ai fait toutes mes actions là. Je sais. j'ai cramé tout le karma là. Là t'es en mode... Je fais absolument plus rien. Je reviens sur ce que j'ai dit. J'attends, oui. Mais en fait, je vais me mettre au niveau de la porte pour essayer d'avoir. Parce que les couloirs normalement sont pas très larges. Ouais. D'accord. Pour pouvoir toucher en fait, une main dans le dos dans Emilio. Pour que si jamais. Enfin, il y a que les gens dans la pièce qui partent. Que je puisse lui faire un lien et qu'il puisse partir avec nous. Casse pas là. D'accord. Je me dis que toi. Non, finalement. Au pire de le ramener dans la pièce. Oui, voilà, au pire de le ramener dans la pièce. Mais j'ai une main dessus. Au pire, voilà, je peux le choper. Je peux le. Parce que okay. Voilà. D'accord. Eh bien, tout simplement, vous voyez que. S'il se passe 3-4 minutes, vous êtes toujours là, toujours dans ce train. D'un coup, la porte cède. Vous avez une masse de monde qui commence à s'engouffrer dans le couloir. Ils sont quand même nombreux, donc du coup, comme tout le monde veut être le premier à arriver sur vous, ils se coincent un peu. Vous voyez que ça. Toi, Emilio, tu vois les gens arriver sur toi et tu vois que il y a encore un gars qui est en train de descendre que tu vois. Alors, en gros, tu fais un choix. C'est soit tu pousses le mec, soit tu fais une chose et Je rentre sur la porte. Ok, donc tu sais que tu as Catherine dans ton dos parce qu'elle a la main posée sur toi. Mais je rentre et je ferme la porte. Tu rentres. Ok, bah vous fermez la porte, vous essayez de se bloquer. Là, vous voyez le gars qui était en train de descendre, qui arrive devant, qui est plaqué dessus, qui commence à frapper. Il commence à crier derrière les autres, ils arrivent, ils sont tous devant. En gros, ils passent la porte. Si dans les temps pas fait, vous êtes cuit. Je m'interpose sur la porte en essayant de la bloquer. Ouais, vous tenez sur la porte comme ça. Dépêchez-vous, Randolph. Vous voyez en même temps Nelson qui est dans un coin, qui ne bouge plus. En gros, il a plus d'expression, il est comme ça, il plus rien d'importance. Légumane. Au moment où la vitre de la cabine commence à céder, vous entendez un bruit qui vous semble familier. Un toutou, toutou, toutou, oh, bordel, mais... toutou, enfin. Et tout, enfin, vous regardez par la fenêtre et vous avez l'impression de voir des paysages. Quelque chose de normal, quoi. J'ouvre un battant de fenêtre, j'en peux plus, j'inspire. Et au moment où vous réalisez que vous êtes revenu, vous remarquez que Randolph vieillit à vue d'œil. Genre, comme ça. Ton visage devient vieux, il devient rabougri. En fait, en gros, il rattrape les années qu'il a... Il a pris 12 ans de perdu. Et il a vieilli d'un coup. Il a plus de force. Il est... vieux. Vous avez une masse de plomb qui s'abat sur vous. D'ailleurs, ce que je vais vous demander de faire, c'est... vous avez des points de magie. Oui, vous avez des points de magie. Qui est dans la première page de le main. Normalement, tu dois en avoir par rapport à ton pouvoir, je crois. Voilà, vous allez vous enlever pour l'entrée et la sortie en tout 6 points. Ah, 10 points ? 6 ouais, c'est énorme. 6 points. Putain, j'en ai plus que 9. J'étais 3 en mage, moi. Ah oui, t'étais un mage, toi. Voilà. Et donc, en max et en actuel, on met parce qu'en... Juste dans l'actuel, ok. En actuel le... On peut pas toucher, max. Vous êtes revenu. Vous retrouvez le bruit familier d'un train qui passe sur des rails. Nelson a retrouvé un semblant de vie et a ouvert la fenêtre. Vous sentez la brise fraîche. La brise fraîche rentrée dans l'intérieur. Vous voyez toujours ces espèces de viscères posées par terre malgré tout. Et les personnes qui étaient là ont tout simplement disparu. Genre limite, vous auriez presque vu les voir partir en cendres ou se désagréger. Ça a marché. Vous allez me faire... j'ai écouté. Ouais. Attends. Ah mais Emilio... J'ai fait 35 sur 35, c'est génial, j'adore ce jeu. Bam, mais c'est... Bam, je coche. Ouais, tu Emilio... peux cocher. Heureusement que tu étais là ce soir. Heureusement que j'ai tu étais là. J'ai fait que des succès, hein. J'ai fait que des succès sur mes jeux. Dans la folie de tout ça, la joie de que part de retrouver ton monde, un bruit parvient à tes oreilles. Au début, tu faisais pas forcément attention à ce bruit, mais ça va, et puis tu sens qu'il augmente en volume. Et au bout d'un moment, t'as le flash qui te vient et tu te dis merde, on n'est pas censé être là avec ce train. Faut arrêter la locomotive. Et il y a un train qui arrive dans l'autre sens. Tu sais maintenant qu'il y a un train qui arrive dans mon sens. Tu l'entends. Tu entends le bruit, le... du conducteur qui est en train de faire le bruit, l'alarme pour dire arrêtez vos conneries, quoi. Et tu entends j'entends le train loin qui... ou quand même qu'il est très... Pour l'instant, il est pas à tout... Enfin, vous êtes pas là dans... C'est pas dans une seconde, il va te taper dessus, mais... tu D'accord. sens que il faut pas traîner, il faut prendre, faut avertir les gens et prendre une décision. Un train en face arrive, vite. Il faut arrêter le train, on va en percuter. On sort du truc, ouais, c'est ça, c'est tu sors du truc et tu cours. Je me dis. Alors, vous savez que dans les trains, vous avez des. Ouais, on va au-dessus et on trace. Alors, sachez que il est pas à côté, mais il est pas loin. Donc, il va falloir passer deux wagons, le tendeur et arriver à la locomotive. C'est juste ça que je suis en train de dire. Je sprint. C'est chaud. Mais est-ce que le train déjà est rapide, le nôtre là, il est à pleine vitesse. Ah lui, il est plein de balles. Il fonce. Il 88 fonce. Miles. Et en gros, tu peux deviner que depuis le temps, plus grand monde commande. Ouais. Ça oui. Mais l'autre train en face va quand même freiner. Donc je sais pas si on a une chance en vrai d'essayer. Je vais être honnête avec vous, elle est très mince. Ah ouais, mais le problème c'est qu'on n'a pas d'alternative, non, parce que. Prendre le cœur du car, refaire le truc et repartir. Non, dans sauter. Mais c'est pour ça que je demandais s'il était très rapide. Sauter un train en pleine vitesse, pour moi, c'est aussi mortel que se prendre un train en face. Hein. Ah, ça dépend, ouais. Ça dépend. Bah, ouais, ça dépend. Non, mais ça dépend, ça dépend où vous êtes, ça dépend. D'accord, le jeu a l'air de dire que sauter c'est plus vivable. Ok. Où est-ce qu'on est? On est à côté d'un lac ou un truc comme ça? Si vous êtes dans une vraie situation, dans la vraie situation, que tu dis j'ai une chance sur. Moi dans cette situation, j'essaie d'arrêter le train, mais. On peut pas faire comme dans les films de western, tu penches ta tête et tu vises le truc à aiguillage et. Oui. Et là, non. Tu te barres sur le côté. Ouais, écoute, s'il faut sauter, je veux bien, mais il y a quoi en fait? C'est des cailloux, c'est de l'herbe, c'est de l'eau. Alors là, tu vois que c'est la lande, la lande anglaise, donc en gros, tu as des herbes hautes. Par moment, vous arrivez à vous voir au loin, si vous vous débrouillez pas si mal, un terrain dégagé avec peut-être un début de marécage, flotte, mais pas très profond, quoi. Un terrain humide et dégagé. Après, s'il y a vraiment quelqu'un qui est chaud, il peut essayer d'aller. Je vous empêche pas. Après, je suis obligé quand même. Moi, ce que je comptais faire, c'était tenter de stopper le train, au moins de le freiner un maximum pour qu'on ait plus de chances de moins se faire mal quand on saute. C'est surtout ça. Ouais, mais si l'impact, il arrive, parce que là où l'information était importante, c'est qu'on a deux wagons et un tender à traverser. Enfin, genre, c'est. Mais en plus, de toute façon, que vous êtes au fond, ouais. Du fond du train. Vous êtes dans ce cas-là, le dernier. Le mieux, sinon, ce qu'on peut essayer de faire, s'ouvrir la fenêtre et attendre d'arriver au passage du terrain dégagé avec un petit marécage et essayer de sauter là. Hein. Mais ce qu'on peut essayer de faire, c'est. Essayer de retirer le dernier wagon où on est pour le ralentir un peu celui-là et sauter pas, pour avoir. Je sais pas comment ils sont les wagons, comment ils sont reliés les wagons de cette. Mais à mon avis, t'as pas juste un petit truc à décrocher et ça s'en va. On va dire que pour pouvoir décrocher un wagon, tu fais pas ça à main nue. Ouais, voilà. Et passer à main nue, surtout que le wagon est tracté. Généralement, quand tu peux défaire un wagon, il n'y a pas de tension entre les deux. C'est-à-dire que c'est le wagon et ils sont arrêtés et tu peux les défaire. Là, il faut dire que tu as la tension, donc une force qui va maintenir. Préparons-nous à sauter. Autant se préparer, on suit la fenêtre. On est d'accord. On le bon moment. On est d'accord que le wagon à pleine vitesse va percuter un autre train. C'est ça. Qui a possiblement des voyageurs dessus. Ouais aussi, voilà, c'est ça. Non, mais de toute façon, c'est fini. Hein. On est les pires meurtriers du monde, c'est fini. Tu sais pas que les gens de train arrivent. Non, mais j'ai peur de m'en douter. Et moi, avoir déjà un mort sur la conscience, c'est déjà trop. Je vais tenter le tout pour le tout et essayer d'arrêter le train. Très bien, je te laisse y aller. Moi, je me prépare à sauter. Et ciao. MJ m'a convaincu. J'accompagne Peter. Allez, on va refaire nos personnages après. Allons-y. Moi, je pense à Tintin. Toi, Nelson, et toi, Catherine, vous restez à l'arrière du train, pour l'instant. Vous bougez pas. Moi, je sais pas ce qui s'est dit. Hein. Là, ils ont pris des décisions. Mais je rentre ma tête de la fenêtre. Et ouais, ben, je sais pas, moi, qu'il y avait un train. Si, il me l'a dit, non Si, si, il a dit, il a crié à tout le monde, il y a un train qui arrive en face. Voilà. Donc du coup, là, tu sens que les autres, ils ont clairement dit, eux, ils vont tenter d'arrêter le train par tous les moyens. Donc toi, qu'est-ce que tu fais ? Faut sauter et aller courir pour arrêter le train et se faire désinguer quand même, parce que le train d'en face... Le train d'en face, tu supposes qu'il va quand même essayer de freiner, lui, parce qu'il y a un conducteur. Il y a du chouchou, c'est qu'il a commencé à freiner. Hein. Ouais, non, mais bon. T'es, moi, j'ai sauté. Ok. Tu sautes ? Alors, on est deux à sauter au bon moment, et deux à essayer de sauver leur vie. Bah, au bon moment, on va pas... Ouais, moi, j'ai essayé de sauter, mais au moment, au dernier moment, si j'arrive pas au niveau de, du ok, alors ce qu'on va faire, alors hop, je vais regarder mon petit texte pour savoir sur comment ça va se passer pour vous. Les PJ meurent dans d'atroces souffrances, quoi. Les PJ ne veulent pas terminer le premier scénario. C'était un piège du jeu. Alors, il faut que vous fassiez, donc vous allez me faire, Catherine et Nelson, un test en athlétisme. Ah, oh, mais ça tombe bien, je suis très très athlétique, non. Athlétisme. Athlétisme, ça s'écrit avec un H ou sans. Je sais pas. C'est un jet de saut, peut-être. Sauter. Non, alors athlétisme, généralement, c'est souvent... par rapport à esquive. Non, pas un jet d'esquive quand même. Oh, un jet de sauter, c'est pas mal ça. Non, je préfère esquive. Bah, si t'as moins en saut qu'en esquive, mais t'as déjà pas beaucoup en esquive. Il y a un jet en sauter en plus. Ouais, bah, ouais, mais esquive c'est très bien. Là, parce que non, je mais moi j'esquive. Non. Juste... mais... techniquement, il esquive quand même le contact. Ouais, oui, techniquement. Moi, j'ai d'esquivage de dégâts de chute. Et oui, esquivage des dégâts de chute, tout à fait, du contact, du... Et d'ailleurs, pourquoi tu prendrais pas une blanquette, une banquette, et tu prends le truc et tu sautes avec le matelas. J'ai déjà ma blanquette. Mais... non, mais déjà, elle va avoir le temps de arracher une banquette. Non, mais on n'a pas le temps. Mais est-ce que j'ai le droit de faire un jet d'esquive parce que j'ai 5% de chance de plus, s'il te plaît ? Vas-y, parce que, parce que je suis bon joueur. Ah, il est gentil. Vous choisissez entre esquive ou sauter, bon, c'est lui qui est le mieux. Ok, ok. Connard ! Connard ! C'est pas mal. La même. N'oubliez pas que vous avez le droit à la relance. Vous avez le droit à la relance, mais par contre, rater un jet peut être plus critique que là. Ouais, bah, là, il est Catherine n'est pas encore en échec critique. 95, c'est la limite. C'est à 96 que ça commence. On a droit à une relance. Ouais, alors, en gros, tu peux pousser le jet, mais si tu échoues, c'est catastrophique. Ouais, c'est-à-dire que mon perso meurt. Ah. Non, bah, après, tu es tétraplégique. Oh, voilà, c'est en gros, tu prends un risque énorme. Je pousse. Attends. Mais là, t'as pas. Non mais là t'as pas fait un échec critique, attention. J'ai fait un échec. T'as fait un échec simple. C'est un échec simple. Bah, en vrai si tu pousses, mais par exemple si je faisais 35, c'est catastrophique, c'est ça? Oui, ouais. Oui, en gros si tu échoues, quoi qu'il passe, tu voilà. Ouais, non, tu pourras utiliser des points de chance si tu veux. Ça vaut pas le coup. Ça vaut pas le coup. Donc du coup vous allez... Je vais juste perdre la moitié de ma vie, mais ça c'est pas grave parce qu'après... Toi, de toute façon j'ai déjà perdu ma vie en notant celle d'un autre. Que vous allez être chanceux, je vous dis ça tout de suite. Ah ça va. Vous perdez 2 points de vie chacun. Ah, ça va, on a chuté dans les graviers, quoi. Non, mais on a chuté dans le marécage, on a juste fait... vous sautez. Vous sautez et... vous arrivez, en fait, dans un lieu où il y a un peu de flotte et en même temps un peu de d'herbe haute. Il y a... ça... c'est un peu... putain, j'ai plus le mot. Ça y est, non. Amorti, putain, ça y est, j'ai trouvé. Ça a amorti un peu la chute. Mais malgré tout, vous voyez, vos fringues sont déchirées. Vous avez des grosses entailles un peu sur le haut du corps, des griffures. Vous êtes un petit peu coupé par endroits. Mais vous vous en sortez pas si mal que ça, en sachant que vous venez de sauter d'un train en marche, mais en mode à fond la caisse, et que vous en sortez. Hein. Les deux autres, eux, sont en train de cavaler dans le train. Donc les deux autres, par contre, eux, vont me faire un jet de... Esquiver le train en face. Alors je crois que... Est-ce que ça fait un jet spécial? Vous allez me faire un jet... Oh attends, un test d'agilité. Il y avait un test de speed que j'ai fait 0-1. Mais non, mais t'es con, il fallait faire agilité. Ouais, ça marche, on dit que c'est agilité. Mais non, c'est mais... pas agilité, ça. Il vient, vient de gâcher sa réussite critique, ce con. Bah tant pis. Attends, mais ce con. Donc tu diras agilité, dextérité du coup. C'est ça, oui, c'est dextérité. Ouais. Allez. Ouais bah bravo. Je dis, est-ce que je peux garder mon 0-1? Je dois refaire quand même le geste sur dextérité qui est au même niveau que speed. Ah oh, oh là là. Alors moi, vu que c'est le joueur qui a des informations sur le simulacre par rapport à Randolph, moi je suis chaud pour le sauver. Si jamais le MJ veut être clément, ça m'arrange parce qu'il nous a pas partagé ce que je vais faire un jet caché. Après je sais pas si avec ça un D6. Moi de toute façon j'étais prêt à refaire. Donc... Un D6. Si. C'est 1, 2, 3, j'accepte. Oh. C'est 4, 5, 6. Je m'en remets au sort. Tu relances. On se remet au sort. Ah, j'ai peur. Ah putain, il relance. Ah. Bon, bah relance. Et là, en fait, non. Là, il dit, oh, en fait, tu gardes. Alors, ça a été excellent en termes de... Mais ah, j'attends la réponse et je relance. Hein. The man game. Ah, tu relances. Tu cours. Tu commences à... Ah non. Passer les wagons. Te surprend à avoir une agilité que tu ne t'es jamais vu auparavant. Quelque chose de... Tu es à un but précis dans ta tête qui est d'atteindre la locomotive et d'arrêter ce train, ce putain de train pour sauver ta vie, mais pour sauver la vie des gens qui arrivent en face. Tu cours, tu passes les... La chance pour toi, c'est que les gens avaient déjà défoncé la porte qui passait du wagon 2 au wagon 1. Donc t'as juste à courir, traverser. C'est la ligne droite. Tu as l'objectif en face. Tu commences à courir comme un malade. Tu vois qu'il y a des bagasses qui sont jonchées sur le bord. Tu sautes par-dessus. Tu arrives au niveau du tendeur. Tu passes sur le côté sans problème. Tu... Limite, tu es en mode Yamakasi, tu vois, tu t'accroches comme il se doit, tu arrives jusqu'à la locomotive. Et là, tu te rappelles que plus jeune, tu avais été sur le tournage de ton père sur un film de western et tu avais discuté avec un ancien chauffeur de train qui t'avait expliqué exactement quelle manette tirer pour freiner en urgence. Que effectivement, une personne qui ne connaîtrait pas un train ne saurait pas quelle manette. Exactement le même modèle en plus, tu vois. Non, mais pas forcément le même modèle, mais ça se ressemble énormément à ce niveau-là. Il n'y a pas de. Tu tires sur le frein. Et là, tu sens la loco qui. Ça va secouer. Toi, Emilio, tu étais coincé, tu t'es. T'es pris en fait dans les bagages et au moment du freinage, tu balances en avant, tu tombes dans les bagages. Mais tu sens que le train s'arrête. Je saute, je secours. Toi, Peter, tu vois au loin, petit à petit, le train arriver de l'autre côté. Et tu vois qu'il est presque arrêté. Quand vous arrêtez à peu près à 200 mètres du train. Je siffle. Si tu n'avais pas actionné, hein, vous auriez percuté, et là tu le vois, un train de marchandises. Bon, ça va. Qu'est-ce que vous faites? Vous savez que Nelson et Catherine ont sauté du train. Ils sont donc dehors, en ouais. pleine nature. Vous, vous avez, vous êtes toujours dehors. Qu'est-ce que vous faites ? Moi, je vais revenir en arrière. Je sais pas si je croise Emilio, mais je reviens en arrière. Reviens en arrière. Tu vois Emilio coincé dans les bagages comme ça, en mode. Ouais, tu m'accompagnes. On va pas laisser ce gars s'en tirer comme ça. Et je vais piquer ses affaires. Je vais piquer dans ses affaires. Il est pas, il est mort le vieux. Non, il est juste vieilli. Oui, hein. Ah d'accord. Je croyais qu'il était déjà vieux de base et qu'il était devenu encore plus vieux. Au moment où vous allez arriver sur le donc l'endroit où il était, tu vois que la porte du dernier wagon est ouverte et tu vois quelqu'un courir dans la sachant qu'il je vous ai pas dit mais on est le matin mais genre le soleil se lève à peine donc c'est très un peu pénombre assez ombre. Donc c'est entre chien et loup, hein, tu vois, c'est vraiment. Hein. Donc tu vois quelqu'un courir, un peu une ombre, s'évanouir dans la pampa, dans la campagne anglaise, en courant. Donc tu te dis, pour un vieux, il court quand même bien vite. Qu'est-ce que vous faites ? Vous avez la porte qui donne sur la campagne ouverte devant vous. Et vous savez que vous avez Nelson et Catherine qui sont... Vous ne savez pas dans quel état ils sont. Je te dis, Emilio, va le poursuivre. Moi, je vais récupérer ses bouquins dans la cabine numéro 1. Je n'ai pas d'arme, donc je ne peux pas vraiment le confronter. Oui. Je te rejoins dès que possible. Ok, bah... Je sors et j'y vais. Ok. Donc, en gros, je vais te faire un test de... Comment je pourrais ça ? Parce que là... En gros, il commence un peu à s'évanouir dans la nature. Donc, je vais te faire un test de... La poursuite, c'est particulier, ouais. Déjà, pour que tu arrives bien à cerner où il est, tu vois, parce que tu vois l'ombre partir loin. Après, il fait jour, non ? Bah... C'est le matin. D'accord. Comment ça fait ? Je sais, c'est le moment où tu passes de la nuit... au jour, mais qui le soleil il est pas encore levé, donc tu vois juste l'horizon qui commence à devenir un peu orange, tu sais, et tu dis, le soleil va se lever, mais il fait quand même un peu nuit, tu vois. Ok, donc je vais quand même te demander un jet de toc parce que voir si personne caché pour voir si tu arrives bien à savoir où il est. Allez. Oh, oui, bien. Je le vois. Ok, tu le vois. Tu commences. Donc du coup, tu vas me faire un jet d'athlétisme. Du coup, courir. Non. Est-ce qu'il y a courir là-dedans ? Je sais plus. En fait, il y a speed, qui est une compétence de mouvement. C'est pour les poursuites et c'est mouvement du coup. Eh ben mouvement. Alors fais-moi un jet de mouvement. C'est dans les caractéristiques main. Tu l'as en dessous de pouvoir. Ok. T'es en forme. Qu'est-ce qu'on ferait sans toi? Alors, mais c'est une réussite extrême. Hein. Ah ouais, bah tu crois. Okay. Écoute, tu profites du fait que. Ah ouais, c'est extrême. Tu profites du fait que c'est un homme âgé hein, maintenant. Il a plus tout tes forces. Il est non seulement dans la campagne, c'est assez marécageux, donc il s'en bourbe. Pas facile de même s'il avait de l'avance, c'est pas facile de se mouvoir là-dedans. Et toi, t'es dans l'énergie, tu lui en veux. C'est un gars, c'est sa faute. Si on en arrive là, c'est sa faute. Si Henry Stanley est mort, il était vous étiez à deux doigts de faire mourir d'autres personnes. Tu dis peut-être que c'est sa faute, peut-être si on sait jamais. Nelson et Catherine sont peut-être morts ou dans un état très grave. Donc tu dis, celui-là, je vais le choper. Tu cours, tu le rattrapes, et à un moment donné, tu sautes dessus, et tu le plaques dans la boue. Je sors mon arme dans son doigt, je lui dis, toi, tu ne bouges pas, tu restes avec moi. Et tu le ramènes vers le train, j'imagine. Ah bah oui. Pendant ce temps-là, toi, Peter, tu... Tu arrives dans la cabine, tu cherches dans ses affaires, tu vois son fameux carnet où il a écrit des trucs. quand tu lis, tu feuillettes tout ça, tu vois que vraiment c'est des notes qui au départ étaient censées, étaient intelligentes. Ouais, il y avait un raisonnement intelligent. Oui, décrit un peu l'environnement où il est, ce qui se passe et tout, et que au fur et à mesure de la lecture, tu sens que c'est un homme qui est devenu fou. C'est un homme qui a complètement perdu la boule. Et que ses paroles n'ont, ses écrits n'ont aucun sens. Aucun. Et après, tu trouves des effets personnels, peut-être un peu d'argent. Bon, après, toi, t'es pas forcément dans le besoin, donc limite, tu t'en fous. Et donc, tu ressors. Catherine et Nelson. Alors, du coup, dans le même temps, Catherine et Nelson, vous avez sauté et vous voyez, peu de temps après, le train s'arrêter. Vous faites quoi ? Je dis merde. Je remonte en direction. Oui, c'est ça. Je remonte en direction du train. Avec quelques sangsues accrochées, mais bon, c'est bon pour la santé, les sangsues. Voilà, vous y allez un pas en boitant, mais presque. C'est un peu le pas lourd. Ouais, ouais. Et voilà, c'est vous n'êtes pas au top de votre forme, mais bon, ouais, vous dites au moins vous êtes vivant. Oui, et puis vu que le train s'arrêtait, je me dis que mes amis aussi, donc c'est même très réconfortant en fait en soi. Bah, quand vous commencez à avancer, parce que j'imagine que vous avez commencé à y aller déjà à partir du moment où vous avez vu le train s'arrêter. C'est ça, oui. Au moment où vous commencez à vous rapprocher de ce train, vous voyez deux ombres sortir de l'arrière. En courant, au loin. Après, vous perdez leurs traces. Vous savez pas trop ce qui c'était. Et au fur et à mesure que vous avancez, bien effectivement, vous voyez une personne avec une autre qui avance, collée l'un à l'autre quasiment, en direction du train. Vous n'arrivez pas encore à distinguer qui, quoi. Moi, je vais dans leur direction aussi. Donc, au bout d'un moment, vous arrivez à voir Peter se dirige vers vous. Catherine ? Catherine ? Oui ? Donne-moi ton arme. Je lui tends. Je la prends et je vais la jeter dans le marais. Ah, t'as tué un homme avec ce pistolet ? Si tu l'as sur toi quand la police arrive... On va t'inculper pour le meurtre de Henri. Le meurtre bizarre et rituel de Henri. Alors après... Il était pas ça, dans notre dimension par contre, je crois, et qu'il est resté là-bas. Ah, il est parti de... Ah, il est pas resté son corps ? Bah, à aucun moment on a décrit son corps depuis qu'on est revenu... Pardon. j'ai cru que son corps était... Moi non plus, tu vois, j'avais pas forcément réfléchi à ça, mais... En sachant que il était vivant juste avant de partir de revenir dans le je pense que effectivement tu peux trouver ton corps voilà et comme là. La balle est dans sa tête. Non mais de toute façon les êtres qui sont disparus étaient morts déjà avant même de revenir ici alors que lui est mort vraiment là quoi, les ossements par exemple, ils y sont encore ? J'imagine que oui. Oui, oui. D'accord. Du coup, ouais. Mais après, vous réfléchissez quand même un tout petit peu que vous êtes revenu dans un train qui a disparu depuis des années. On va jamais nous croire. Comment expliquer ? On va surtout pas en parler. Ça, on va partir aux autorités. Comment ça on s'en va disparaître, on va disparaître. Mais bien sûr, on disparaît. Alors, il me semble que je me trompe pas, mais il me semble que de toute façon, là, c'est un peu RP, mais en 1920, on n'a pas de toute façon la technologie actuelle de d'ADN. S'ils ont la balistique. Non, mais c'est trop c'est, peu c'est... développé. Entre guillemets, quand ils vont voir la balle qui ressemble à celle d'un Deringer, ils vont. Non, mais de toute façon, le fait que tu jettes mon arme, de toute façon, symboliquement, moi, ça me va. Hein, de toute façon, attention, Peter. Sans même justifier. Zen, la balle est dans une autre dimension. Elle a été tirée. Vous étiez de l'autre. Encore une fois, la justification de pourquoi il a jeté l'arme, je m'en fiche, que symboliquement, ça me va parfaitement. Moi, je veux pas garder cette arme-là. Cette arme représente quelque chose d'horrible pour toi. Donc, clairement, de toute façon, j'ai l'argent de m'en acheter une autre si j'ai envie de me défendre à nouveau. Mais clairement, jeter cette arme qui a tué un innocent ne me dérange pas plus que ça. Si ce n'est peut-être qu'on le jette à côté du train qui va être retrouvé, du coup, ça, par contre, c'est. Je le jette dans un marais plus loin. Mais le fait de le jeter, de toute façon, pour moi, ne crée pas de débat. Parce que, ouais, clairement, j'ai pas très envie de la garder, de toute façon. Du coup, vous vous retrouvez tous maintenant avec Emilio qui revient avec Randolph, Alexis, qui est clairement un détenu. Enfin, c'est votre. Vous l'avez emprisonné, hein. Enfin, j'ai pas le mot, mais voilà. Oui, non, mais t'inquiète. Qu'est-ce que vous faites maintenant? Vous êtes en plein milieu de la campagne anglaise. Nous sommes en janvier. Vous êtes le matin très tôt. Ça caille grave. Vous venez de subir un truc. Vous êtes limite presque tombé dans l'eau. Mais qu'est-ce que vous faites? Marcher jusqu'à la ville, hein. Je veux dire, tu regardes juste ma montre. Oui. Alors, vos montres fonctionnent. Mais est-ce qu'elles fonctionnent comme si il y a eu pause et elles sont remises direct Bah, le vieux a pris Elles ont recommencé là où elles se sont ratées. D'accord, donc elles sont pas là. Okay. Je pense qu'il y a débat au fait de garder, oui ou non, Rodolphe Alexandre avec nous. Il y a plusieurs débats. Le premier, c'est. Oui, vas-y. Ok, si on allait interroger le gars de la loco d'en face. C'est aussi un témoin, donc je sais pas si il va avoir quelqu'un d'autre. Dites-vous que quand vous êtes arrêté à 300 mètres, quasiment de l'autre train, donc le gars il vous a pas vu quoi. Oui, et d'ailleurs, en fait, c'est pour ça qu'on doit pas trop rester par là, parce qu'il va sûrement aller voir la locomotive pour dire hey, qu'est-ce qui se passe ici, et là il risque de nous voir là. Mais c'est pour ça que moi je propose qu'on parte juste et qu'on marche jusqu'à la prochaine ville. De toute façon, on n'est pas assez prêt en termes d'efforts physiques et mentaux. Alors, vous allez tous. Plutôt des prisonniers. Vous allez tous faire un jet d'orientation, si vous. Déjà, on va suivre les rails, je pense. Mais de toute façon, il y a une ville forcément quelque part. Hein, et suivre les rails. Oui, mais juste pour savoir. Non, bien sûr. L'orientation, c'est. Oh putain! Il y a aucune chance que j'y arrive. Ouais, non, c'est sûr. J'ai 10. Putain, et vraiment, je suis américain là, je sais même pas m'orienter, tu sais. Oh là là. Sur un malentendu, ça passe. Oh bah, pas du tout. Non. Non, on sait pas où on est. Excusez-moi, hein, je rate quelques jeux. Tu l'as déjà fait, Nelson? Oui, il a fait 90. Ah, ok, d'accord. Bah, écoutez, en fait, c'est juste pour savoir combien de temps vous allez mettre pour retrouver. Bah, on saura pas, mais c'est pas grave. Moi je marche de toute façon. Du coup, plonger le rail dans le sens opposé forcément à l'autre locomotive. Et au bout de. Allez. Bien. Une bonne heure, selon vous. Oh, ça va. Vous êtes congelé. Enfin, bon, vous avez vraiment. Très très froid, c'est difficile. Vous arrivez, vous commencez à voir la lueur de la ville, un petit village. Donc vous vous dirigez là, dites-vous que Nelson et Catherine ont des habits en lambeaux. Ils sont notamment Nelson est recouvert de sang. Catherine, tu as un peu de sang sur toi quand même, et après ton sang et le sang de. Le sang, vu qu'on était à côté des marais, on n'a pas pu faire une halte et soit mettre de la boue par-dessus, soit le rincer un peu. Alors attention, il faut bien que je vous dise. Vous êtes en janvier, le début janvier, ça caille, genre c'est l'hiver, hein. Donc fait des températures en dessous de zéro. Hein. Oui, mais honnêtement, parce qu'en fait, le fait que le moment soit en lambeau ne sera pas dérangeant. En fait, tu fais ta vie, tu vas dans un hôtel, la personne va regarder bizarrement, mais tu n'expliques rien, et en vrai, ça peut passer. Par contre, le sang, ça, c'est quelque chose que les gens ont une mauvaise connotation de base. On peut dire qu'on a juste eu un accident de voiture. Hein. Après, en ce qui concerne Emilio et toi, Peter, vous êtes ceux qui ont quasiment rien sur eux. Vous avez un petit peu de sang par là, mais. Sans que ce soit trop marqué, mais vos fringues sont nickel. On dit qu'on a eu un accident de voiture, que vous avez fait un tonneau et que notre voiture a, avec, ouais, avec Peter, nous on a pas eu trop d'accidents et. Ouais, ouais, ça me va. Non, mais sinon on est deux voitures différentes en fait, ouais, c'est ça. Ouais. Et en fait, genre nous en essayant d'esquiver, on est parti en tonneau et vous avez presque rien eu. Ça me va. Écoutez, vous arrivez dans le centre-ville, alors c'est un petit village, hein. Parfait. Pas non plus. C'est encore mieux. Vous arrivez, vous voyez qu'il y a une espèce de pub qui est. Qui est pas encore ouvert, mais il y a déjà de la lumière dedans, donc j'imagine que vous frappez. En fait, il faut surtout un endroit où on puisse, je sais pas, se changer. Mais vous voyez que c'est allumé, c'est pas ouvert, mais c'est allumé. Vous demandez de l'aide, ouais, c'est ça. Demandez, vous frappez au bout de quelques secondes. Un gars vient ouvrir la porte, ouais. Bonjour, mais on est fermé là, c'est pas encore ouvert. Excusez-moi, aidez-nous. Et là, il voit un accident. C'est pour ça que qu'est-ce qui s'est passé, mec? J'ai eu un accident. Vous pouvez nous aider? On a fait des tonneaux et on n'est pas bien et tout est fermé à ce temps-là. Rentrez. Il veut vous faire rentrer, mon gars. Asseyez-vous. Et tu vois qu'il gueule à sa femme. Clara, viens ici. Amène de quoi nettoyer ces gens, les poignets. Je me tends en même temps discrètement. Dit que c'est votre animal qui explose, bon. Je ne sais pas. Ouais, non, mais c'est le bon. Oui, je suis d'accord. Oh là, mais vous êtes dans un sale état, mes amis. Et je vois qu'il commence à amener de quoi vous réchauffer, peut-être un café, un peu d'eau pour réchauffer. Tu vois sa femme qui arrive quelques temps après avec de quoi. Pour rincer de l'eau chaude, peut-être des bandages, des choses, voilà, vous, et qui commence un peu à vous nettoyer, à vous faire bien. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais où est votre voiture? Est-ce qu'on peut la récupérer? On a déjà dépanné la voiture, ne vous en faites pas. Les deux voitures. D'accord, sont... et est-ce que vous avez besoin qu'on vous emmène quelque part ou qu'on appelle peut-être quelqu'un pour. On appelle mon valet. Vous dépose. Ouais, c'est ce que je pensais, ouais, appeler ton valet. Ouais, vous pourrez lui dire. D'accord. Donc la chance était avec vous, puisque cette taverne, enfin ce pub, avait un téléphone. C'est pas toujours le cas. Hein. Campagne anglaise sur là. Du coup, il appelle au numéro que lui a dit. Donc il a une opératrice qui demande le. La demeure de Nelson Bessborough. Et il fait mandater ton majordome qui va envoyer de ce pas un véhicule. Vous allez rester quelques temps là-bas puisque vous n'êtes pas. C'est pas à côté. Et j'estime que vous allez rester bien. Une bonne partie de la journée dans cet endroit. Vous entendrez comme quoi il y a eu un train qui a deux doigts d'avoir un accident de train sur la ligne qui fait Liverpool-Londres. Et que la police est en train d'enquêter sur pourquoi. Ce train, que faisait ce train là? Il n'y avait rien à faire ici. Il n'y avait pas déjà eu un accident de train il y a de cela des années sur cette ligne? Clin d'œil. tu vois que ceux du pub ils connaissent que dalle, enfin en gros voilà quoi. Ça me dit mais quelque chose en 1911 précisément avec Orson Welles. Ah écoutez certains... moi monsieur j'y connais rien peut-être moi ça fait pas longtemps que je suis là ce qui se passait en 1893 j'en sais rien écoutez et puis bon la journée je passe et puis au bout d'un moment vous avez le majordome de Nelson qui sourire aux lèvres parce que ça faisait énormément de temps que il avait plus de nouvelles de vous, il était complètement dans la panique la plus totale et qui vous voit dans cet état là Oh mais monsieur Bessborough, Que vous est-il arrivé? C'est horrible. J'étais parti chercher à boire, j'avais soif. Je vois qu'il a une malle avec plein d'affaires dedans. Et qu'il vous donne. Et écoutez, je vous ramène tous à Londres. Oui, ramenez-nous à Londres. Ramenez-nous au manoir. Et vous faites le trajet de nuit. Et puis dédommagez. Juste, on paye 10 livres au mec qui nous a accueillis. Ouais, non, de ouf. 10 livres de... 10 shillings, oui, hein. Non, mais les livres, 10 livres, c'est énorme. Bah oui. Je suis d'accord. Mais on est des gens riches, laisse-nous payer un peu là. Ouais. Ah, oui, non, livres. Des livres. Non, des livres. J'en ai qu'un pour moi, les livres. Vous voyez, un j'ai 25 livres. Illuminer son visage, genre comme s'il n'a jamais eu autant d'argent. Bah, je pense qu'il a jamais eu autant d'argent, mais bon. Non, mais en vrai, je suppose qu'on fait 5-5 parce qu'en vrai, j'ai 250 livres en espèces sur moi, donc. Ouais, pareil. Voilà, donc on fait 5 dollars, enfin 5 livres chacun. Il va être. À chaque fois, nous, on donne de la grosse monnaie aux petits gens, t'sais, on est en mode pour le bon peuple. Et vous faites le trajet de nuit et au bon matin, vous arrivez dans la demeure de Nelson Bessborough. Et le point de départ. Nous en resterons là pour ce soir. C'est beau, putain.